Et merci, hein, merci pour cette soirée encore. On s'est régalé avec vous comme tous les soirs entre 20h à 23h du lundi au jeudi. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. On sera là demain dès 20h sur Fun Radio. Et Doc, oui, demain matin, il y aura une petite surprise dans Bruno dans la radio. Faut pas le dire. Ah bah ça va, c'est bon. Hey, pour les plus fidèles, il est 23h. Ouais, on peut leur donner un petit peu de scoop quand même. Ouais, demain matin. Il faut que je sois là sur le pont à 7h10. Ouais, ça va, Doc, tu te lèves Voilà, donne l'horaire. C'est quoi, je t'écouterai, ce sera l'heure à laquelle je vais aller me coucher, moi. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Oui, tu seras jamais levé à 7h10. Non, donc demain matin, dans Bruno dans la radio, vous risquez d'entendre une petite surprise. Voilà, on n'en dit pas plus. Ah, mais il y aura le doc. Ah, ça va être génial, hein. J'ai hâte d'entendre ça. Oui. Il va être dans une bonne forme demain, nous, le soir. Je cache bien ma fatigue. On va retrouver Mickaël Nolimit maintenant. Coucou. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Ah, bien. Bon. Comment va le studio d'en face? Bah, très bien. Mais alors, vous envoyez des packs Love & Fun gratos, vous? Ouais. Bah ouais. Toi, tu fais payer, toi? Ah non, pas du tout. Non, mais parce que je sais qu'il y a d'autres radios avec d'autres animateurs qui font envoyer des colis avec des petites pièces dans une enveloppe. Non. Ce qu'on appelle plus communément des voleurs de tirelire. Mais voilà, après, non, mais parce qu'ils demandent d'envoyer un timbre ou de l'argent dans une enveloppe pour le renvoyer derrière. Non, sérieux. Oui, voilà. Balance, c'est qui fait ça? Alors moi, je pensais, bon, on va pas le citer, ça lui fera de la pub, ça lui fera trop d'honneur, mais voilà, je trouvais ça, C'est classe, dis donc, voilà. Ils savent remercier leurs auditeurs. Je vois qui c'est. C'est vrai? Ah oui. Très bien. J'en connais un qui... Ah bah si c'est celui auquel je pense, c'est un gros connard le mec. Moi je ne sais pas à qui tu penses. Et là derrière tout le monde est en train de parier, de qui il parle? Je ne sais pas, mais je ne l'aime pas. Non mais c'est dommage. Voilà, on parle de toi, oui. Non c'est pas lui, voilà. Non, je plaisante. Voilà, donc retour de Love & Fun demain et puis le doc, bon courage à 7h. Et tout est gratuit ici ce soir. Bon bah très bien, parfait. Gros bisous, allez, bonne émission. Salut à vous. Salut, à demain. Et nous on est parti maintenant jusqu'à 2h du mat. 23h, 2h. Mickaël nos limites sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien ce soir. Oh, ça fait plaisir de vous retrouver sur Fun Radio pour une nouvelle émission. Parce que oui, vous le savez, il se passe enfin quelque chose le soir à la radio. Et ça se passe sur Fun Radio. Du lundi au jeudi de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. D'ailleurs, dites-le autour de vous pour faire grandir la famille Mickaël nos limites, évidemment. Comme Cédric qui est avec nous d'ailleurs maintenant là. Salut Cédric de Pamiers. Salut. Comment vas-tu? Ça va. En pleine forme Cédric. Oui. Bon, qu'est-ce que t'as fait, dis-moi, aujourd'hui? J'étais allé au karting parce que je fais du karting et voilà. Ah bon, d'accord. Eh, bonne nouvelle, on fera un kart également avec vous. Ce sera le 7 février, donc à Compiègne. Voilà, j'ai pas encore le nom exact du kart, mais c'est prévu. On fera ça avec vous, donc on donnera toutes les informations puisqu'on passe le week-end en Picardie. Ce sera vendredi et dimanche, le 7 et le 9 février. On sera le week-end avec vous, donc ça va être plutôt cool. Bon, alors, toi t'appelles de l'Ariège en revanche, Cédric. Et au kart, t'as fini quantième là? Premier? Non, là j'étais à l'entraînement. Ah d'accord, ok. Déception totale du public. Wow. Moi je m'attendais à avoir un vrai winner, un vrai de vrai là. Bon, et d'habitude tu termines bien ou pas? Ça dépend des fois, ouais. L'année dernière au championnat de France, j'étais second. Ah ouais, ah oui, tu fais le championnat de France carrément. Championnat de France, championnat du monde et championnat d'Europe. Ah ouais. Ah ouais, tu rigoles pas comme mec. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, alors je vais te vous voyez, hein. Voilà, bonjour monsieur Cédric, comment allez-vous? Bon, Céd, on parle de quoi tout à l'heure avec toi? Enfin, dans un instant là. Mais en fait, de ma copine, qui a en fait du moins mon ex-copine qui m'a trompé deux fois et qui m'a fait qui m'a mis un peu des coups foreux. Ah d'accord, ok. Bon, très bien. Eh bah écoute, on va en parler. Alors bouge pas, hein, t'inquiète pas, y a pas de souci. On va également vous inviter, hein, si vous voulez passer à l'antenne avec nous, comme Cédric là à l'instant sur l'antenne de Fun Radio. Eh bien, vous faites le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0. On parle de ce que vous voulez. L'antenne est à vous. Sandro, passez une bonne journée de régime. Ouais, très bien. Bon, j'ai trouvé un très bon plan pour toi là, un très bon régime, un régime ballon. Voilà, donc en fait tu prends une pilule qui gonfle dans ton ventre, comme ça tu manges moins. Alors évidemment faut juste espérer qu'elle gonfle pas dans le cul. Hein. Ah bah non, parce qu'il est sinon, déjà assez énormissime. Ah bah, sinon ça risque comme ça qu'on l'aime. Faut que je puisse continuer à avancer quoi. Mais oui, bah j'imagine, ouais. Bon, le grand malade va mieux également. Oui, ça va. Ah, merde, parce que je croyais qu'il était mort. Mais je pensais aussi, je me dis putain, il répond plus. Donc ça y est, il est mort. Non, toujours pas. Non. Bon, pas encore, mais ça va venir. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Bah parce que je rappelle que samedi il a dû aller aux urgences. Oui, bah, j'ai souffert, oui. J'ai souffert à cause d'un caillou. Un caillou dans, dans le rein. Exactement, et tu l'as pissé ou pas encore? Ben non, toujours pas, ça, ça commence à m'inquiéter. Bah ouais, parce que ça va faire mal. Mais t'inquiète pas, s'il tombe, je le récupère. Oh, j'irai mettre la main au fond des chiottes pour le récupérer. Wow, et on l'offrira. Ah, mais quel cadeau génial. Bon cadeau. Ça fait un beau pendentif. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. On va faire également des nouveaux appels ce soir avec des nouveaux amis. Ah bah oui. Niquer ta grand-mère, fils de pute. Voilà. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Oui, bah enfin, que des nouveaux amis que nous aurons l'occasion, j'espère, de rencontrer tout à l'heure. Polo est là également, hein, le pipo toujours au taquet, bien entendu, comme d'habitude. Voilà, et puis je rappelle également que si vous voulez des informations, si vous avez prévu d'aller vous faire une toile, hein, Polo, le spécialiste du cinéma américain. C'est vrai, entre autres. Entre autres, voilà. Ce soir, on aura aussi évidemment le son Dance Floor de Fun Radio avec Shakira. Can't Remember to Forget You sur Fun Radio, Shakira, Rihanna. Un de mes sons préférés encore, Happy, Pharrell Williams. On aura aussi un nouveau son avec Fallwad, c'est Changes. Ça ressemble pas à Backer Matt. Ouais. Je vous le cale tout à l'heure, promis, il y aura Showtech. Il y aura un nouveau son de Tiesto également avec Red Lights. Et pour faire plaisir à Sandro, le nouveau Britney Spears. Yeah. Avec Till It's Gone. Mais il mérite d'être mixé celui-là. Bah on va d'abord lui laisser une chance hein. Et puis on le remixera éventuellement un autre jour ouais. Voilà et si vous avez envie d'écouter des sons particuliers comme d'hab hein, vous demandez, vous n'hésitez pas, hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. On salue d'ailleurs Cécile qui est sur le Facebook. Elle, ça y est, c'est parti. Le meilleur moment de la journée avec Fun Radio et surtout Mickaël. Merci Cécile et gros bisous. Ariel également qui dit ouf, je suis sorti de la douche pile à temps pour Mickaël. Très bien Ariel et Samy qui dit une barre de rire. Non mais une grosse barre de rire, oui, allez vous faire enculer mort de rire. C'est Samy qui avait envoyé le message et Fred aussi, ce fils de pute de Toff est mort. Oh, quelle violence, quelle violence. Bon, continuez à balancer tous vos messages évidemment. On va aussi vous offrir les cadeaux, bien entendu, avec passagedesir.fr. Puisqu'on a les sextoys encore à vous offrir ce soir, ce sera sur le Twitter de l'émission. Vous devez placer un maximum de hashtag MIKL pour participer. Il suffit d'envoyer donc un maximum de messages et vous insérez le hashtag MIKL, c'est le dièse puis MIKL dedans, pendant l'émission. Et puis à la fin de l'émission, on comptera évidemment tous les tweets. Enfin, c'est pas nous, hein, c'est une application qui va le faire. Qui comptera tous les tweets et on donnera le top 5 et on verra lequel d'entre vous repartira donc avec le sextoy offert par passagedesir.fr. Et ce soir, on donnera ça au numéro 5. D'accord. Voilà, c'est le cinquième qui repartira avec ça. On va également se faire la colle, puisque je rappelle qu'il y a toujours les netbooks à gagner. Et la colle ce soir, c'est avec Priscilla. Bonsoir ma belle. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien Priscilla, t'as 19 ans toi. T'appelles de Bouches-du-Rhône. C'est ça. Très bien. Bon alors Priscilla, la colle pour repartir avec un netbook. T'aimerais bien repartir avec un netbook j'imagine. Oui. Oui j'imagine. Bon, netbook c'est des petits PC portables en fait hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme avec un PC sauf que c'est en petit. Donc on vous l'offre ce soir. Pour ça c'est facile, il y a Priscilla qui va donc poser une colle. Si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, vous passez à l'antenne et vous gagnez. Si vous n'avez pas la bonne réponse, à ce moment là c'est Priscilla qui gagnera. Bon Priscilla, fais péter la colle. Alors, mon premier est Tenuchi. Mon deuxième est le bas de l'arbre. Qui suis-je? Ok, mon premier est un outil, mon deuxième est le bas de l'arbre. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, je viens de lire la réponse, c'est quand même... Bon, cherchez un peu plus loin quand même que le bout de votre nez parce que c'est un peu... Comment vous expliquer que c'est un peu en fume? Mais bon, c'est vrai pour le coup. Bon, mon premier est un outil, mon deuxième est le bas de l'arbre. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi sur le Facebook de l'émission. Dans moins d'une minute, je vous cale, je vous posterai donc la colle complète avec... comme ça, tout sera écrit, vous allez pouvoir la lire et peut-être... plus facilement y réfléchir. Voilà. C'est vrai. Voilà, facebook.com/MIKL officiel. Je répète, mon premier est un outil, mon deuxième est le bas de l'arbre. Qui suis-je? Le netbook est gagné dans moins d'une heure. Priscilla, on te récupère plus quelques fois encore avant minuit pour que tu puisses répéter la colle, d'accord? Ça va, y a pas de problème. Parfait. Bon ben reste avec nous Priscilla. Bon, et puis vous le savez, hier soir je vous parlais des grandes causes que j'aime soutenir hein, et comme pour le bobsleigher là les Jamaïcains, les bobsleighers, on en avait parlé avant-hier. Vous m'avez entendu puisque la pétition pour que Justin Bieber soit viré des États-Unis vient de passer. On avait démarré hier à 60 000, on est à 73 000 signatures maintenant. Il ne manque donc plus que 27 000 signatures pour que Barack Obama soit obligé de prendre une décision sur le sort de Justin Bieber. Donc, si vous n'avez pas encore signé, le lien est toujours sur le Facebook. On l'a mis hier soir. facebook.com/mikaelofficiel. Allez voir évidemment, puisque je rappelle que les Américains ont lancé une pétition, ils en ont marre de Justin Bieber et de toutes ces conneries. Et donc du coup, ils disent que ça fait honte aux États-Unis et ils demandent à Barack Obama de l'expulser des États-Unis, puisque à la base Justin Bieber est canadien. Donc voilà, allez-y. Et qu'il serait bien mieux au Canada. Et que bah a priori il serait bien mieux au Canada d'après les Américains. Donc vous pouvez continuer bien sûr à signer cette pétition facebook.com/mikaelofficiel. Cédric, oui. Si t'avais le choix, si t'étais américain, est-ce que tu virerais Justin Bieber du sol américain? Franchement oui. Ouais, toi oui. Et toi Priscilla? Moi aussi, ouais. Ah, tu virerais Justin Bieber. D'accord, ok. Pourquoi vous l'aimez pas? Il en fait trop, d'accord, ok, très bien. Bon, et bah comme ça on sait, bah facebook.com pour aller voter, n'hésitez pas. Enfin, c'est même pas voter, pour aller signer la pétition pour l'exclure des États-Unis. Priscilla, reste avec nous. Cédric, on va parler des problèmes avec ta fiancée. Avant d'écouter Shakira et Rihanna au cœur d'une heure sans pub, ce sera Can't Remember to Forget You. Alors, explique-nous peut-être un petit peu plus en détail, Cédric, l'histoire. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait un certain an et demi que j'étais avec elle. Ouais. J'étais fiancé, bon, elle avait acheté quand même tout ce qu'elle voulait. Et en fait, déjà un soir, j'ai été partir en boîte. Ouais. Et en fait, je la voyais pas rentrer, elle rentrait pas. Et j'ai dit, bon, c'est bizarre, j'essaie d'appeler, elle répondait pas. Et en fait, le lendemain, j'ai un collègue à moi qui est venu me voir. J'ai dit, ouais, si tu peux me laisser chez ma copine parce que j'arrive pas à la trouver. Et en fait, au final, elle était chez mon voisin. Et en fait, elle s'est mise avec lui, elle m'a quitté pour se mettre avec lui. et en fait, elle est venue pleurer. Elle m'a dit, reviens me chercher. Je suis venu la chercher, en fait on s'est remis ensemble. Le problème c'est qu'après, juste après je me suis fait cambrioler chez moi. Et après, et là au final, elle me dit qu'on est parti à la mer 2 semaines, elle me dit qu'elle était pas bien. Putain, attends. Sur 20 ans que ça s'est passé ou sur une semaine ça? Parce que là, entre elle t'a viré, elle est partie chez le voisin, il y a eu un cambriolage, vous êtes parti à la mer. Mais en fait, non, en fait, on était allé pendant une semaine, elle était partie en fait. Une semaine ou deux, et après, 2 semaines, du moins, elle m'a rappelé. Elle m'a dit que ça n'allait pas du tout avec le mec, elle se rendait compte qu'elle avait des sentiments pour moi et tout. Ouais. Et elle m'a dit, mais le problème, c'est que je ne veux pas revenir avec toi pour l'instant, parce qu'ils ont fait des menaces en tant qu'il est cambriolé et tout. J'ai dit, moi, je m'en fous, t'inquiète pas. Bon, écoute, attends, en fait, parce qu'on comprend rien. Je comprends rien. Alors, Cédric, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Shakira et Rihanna, histoire d'être pépère. Réfléchis à l'histoire. Structure-la dans ta tête. J'ai l'impression d'être prof de français. Et essaye de réfléchir par. Quoi tu vas commencer? Alors, par quoi tu vas terminer et par où tu vas passer, mais le plus rapidement possible. J'étais un spécialiste à l'école en français, ça, de la rédaction. Introduction, développement, tu peux faire un ou deux paragraphes. Et enculade. Ah non, et non, et résumé. Et résumé, pardon, c'est ça. Introduction, développement, résumé. Conclusion, voilà, donc réfléchis à c'est ça. La même chose. Oui, conclusion, ouais, conclusion plutôt, effectivement, si. Ouais. Donc, merci, résumé, professeur Sandra. Bon, donc si vous avez déjà compris quelque chose à ce que Cédric a dit, n'hésitez pas à nous appeler, hein, pas si de problème. Si vous êtes traducteur-interprète. Voilà, il n'y a pas de problème. Réfléchis, Cédric, on se met Shakira Rihanna et on revient après avec toi, d'accord? D'accord. Parfait. Oh, c'est le meilleur plan à faire, ça. Et on fera également ce soir le jeu de la rupture. Ça va arriver sur Fun Radio. Bienvenue, tout le monde. Le son de Shakira sur Fun Radio avec Rihanna, restez là aussi hein, puisque je vous cale le nouveau son de Fallwed avec Changes, ça va débarquer sur Fun Radio, et également le son de Pharrell Williams. Et ce sera Happy sur Fun Radio. Bienvenue si vous arrivez au cœur d'une heure sans pub. C'est Mickaël No Limite. On est ensemble tous les soirs sur Fun Radio, 23h, 2h tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi et puis le dimanche également, de 20h à minuit, en direct avec les netbooks encore à gagner avec la colle dans quelques minutes. La colle de Priscilla. Et il y a Marine qui dit, c'est quoi l'histoire compliquée de Cédric? J'ai rien compris. Il y a Camille qui dit, ah putain, l'histoire de ouf, j'ai rien compris non plus. Secret Key sur le Twitter qui dit, c'est quoi cette histoire de psychopathe? Pas compris non plus. Bon, ça va, je suis pas le seul à pas avoir compris. Me voilà rassuré. Et Polish Addict sur Twitter qui dit, j'ai cru que Toff était mort, fausse alerte. Oui, on y a cru aussi. Je survis pour le moment. Bon, on y a cru. Et Jojo qui dit, je peux avoir un message de bienvenue pour me remonter le moral car je suis malade. Bah, comment ça se fait? Bah, vas-y. Mais va niquer ta grand-mère, fils de pute. Voilà, Jojo, c'est 8. Et Camille avec un K qui dit, bon, bah, j'ai pas eu mon permis. Eh bah, bravo, oh, Camille. Ouais, eh bah, bravo. Bonsoir, toute équipe. Mickaël, je peux avoir un message de bienvenue. C'est Roma de Véturer, un truc comme ça, j'imagine. Hein, bon. Tu me dégoûtes. Ah ouais, oui, bah c'est un peu court celui-là. Hein. Va te faire enculer, salope. Voilà, Romain, avec plaisir. Ben, on est vachement mieux, ouais. Bon, en parlant d'amis, nous allons peut-être rencontrer des nouveaux ce soir, puisque... Eh bien, je voulais savoir si vous avez déjà fait l'amour à une fille sans réfléchir. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous faites l'amour à une fille? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit je sais pas moi. Un plan cul. Un plan cul, d'accord, ouais. Polo. C'est-à-dire quand t'es dans l'acte ou Non, bah, c'est-à-dire que qu'est-ce que pourquoi vous faites l'amour à une fille sans réfléchir, par exemple. Pour qu'est-ce que à quoi vous pensez, quel est pour vous le je vais vous donner des exemples. Prendre par exemple plaisir. Les trois premières raisons parce que c'est un sondage évidemment. Ouais. Hein, c'était ressentir de l'attirance, voulez avoir du plaisir physique ou alors ça fait du bien. Et alors par amour n'arrive qu'en 8e position. Voilà, donc vous faites l'amour à une fille par amour, ça n'arrive qu'en 8e position des réponses. Et les trois premières, donc vous faites l'amour à une fille pourquoi ? Bah, pour ressentir du plaisir, c'est en numéro 1. Bah oui. Je voulais du plaisir physique en numéro 2, parce que ça fait du bien en numéro 3, et donc en 8e position par amour. Donc c'est quand même pour mal lui classé. Montrer que j'ai le pouvoir de donner du plaisir. Bah, super. Bah, ça reste à prouver encore, hein, justement. Bah, ça, mais il n'y a pas à prouver. Bon, bah dites-nous les autres, hein, Tof, évidemment. Pour se souiller dans les cheveux. Ouais, c'est ça. Tof, tu as demandé à tes amis pourquoi ils font l'amour, donc. Hein. Bah oui, je très bien. Et puis, bah vous venez nous dire pourquoi est-ce que vous faites l'amour avec votre copain ou votre copine, qu'est-ce que ça vous procure? Pourquoi vous faites ça? Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Bon, Cédric, ouais. Tu fais l'amour avec ta copine pourquoi toi? Pour quelle sensation? Ouais, là, pour l'instant, du moins après. Non, mais dans l'absolu, on sait qu'aujourd'hui c'est tendu, mais quand t'es avec quelqu'un, quand t'es avec une meuf. Pour le plaisir physique. Hein. Pour le plaisir physique, d'accord, ok, très bien. Donc, c'est en numéro 2, toi, d'accord, ok, très bien. Bon, ben les autres, appelez-nous, 01 42 48 5000, 02 851 4x0. On fera le jeu de la rupture également dans quelques minutes. Bon, Cédric, est-ce que tu as réfléchi à comment exposer ton problème? Oui. Ah, ben nous voilà rassurés. Bon, alors vas-y, fais péter. Ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un an et demi, j'étais fiancé avec elle. Ouais. Et on était fiancés et tout, elle me dit qu'elle voulait avoir un enfant avec moi et tout. Mmh. On s'était installés ensemble et en fait une fois je l'ai laissé partir en boîte et elle m'a trompé. Et en fait elle est revenue me supplier et tout en me disant qu'elle voulait se remettre avec moi. Moi j'ai voulu la pardonner mais tout le monde me disait fais attention Cédric, elle t'a déjà trompé une fois, elle va recommencer. Bon et, c'est pas automatique mais c'est vrai que ça peut arriver, oui. Oui, du moins ils m'ont dit fais gaffe, c'est une profiteuse, elle va profiter de ton argent et tout. Et moi j'ai dit ben non, je vais lui laisser une dernière chance. Et au final, ben là il y a deux semaines en arrière, ben en fait elle est partie avec un autre mec encore et elle m'a oh coupé, putain la salope. Mais le problème c'est que la deuxième fois quand même c'était plus grave parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait sortir se promener au bord de la plage. Ouais. Et en fait ben j'ai laissé partir vers 17h et en fait elle n'était pas revenue pendant 24h. J'étais là à la gendarmerie, elle a déclaré disparue. Et en final, ben c'est gendarme qui l'a retrouvé avec un autre mec et qu'elle connaissait depuis 3 jours. Et ces gendarmes qui m'ont dit ben en fait elle veut pas revenir avec toi, elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre. Les gendarmes? Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir dans cette histoire encore cela? Parce que parce qu'elle a été déclarée disparue, je l'avais déclarée disparue parce qu'elle était mineure. Oh là là. Je l'avais déclarée. Je l'avais déclarée disparue. Et oui, parce qu'elle avait dit elle avait 17 ans. Ah d'accord, ok. Elle avait pas de parents? Et si, mais c'est son père qui m'a dit de la déclarer disparue. Ah, il pouvait pas le faire lui-même, c'est marrant ça tient. Mais parce que ouais, parce que lui est de Carcassonne et moi j'étais carrément vers Pontignan. D'accord, ok. Bon, écoute, après on n'est pas dans le détail. Hein. Bon, et concrètement, tu veux qu'on fasse quoi pour toi, Céd, aujourd'hui? Mais avoir des conseils parce qu'il y en a plein qui m'ont dit qu'elle allait revenir parce qu'elle va se rendre compte que. Mais laisse tomber, Céd, vire-la. Attends, la meuf, c'est bon. Déjà, t'as 25 ans, elle en a 17. Elle pense à autre chose que toi, visiblement, elle a pas envie de s'installer. Et puis voilà, la meuf, elle t'a trompé déjà deux fois, là, qu'elle allait se faire foutre. Et si elle se rend compte qu'elle a fait une connerie, bah tant pis pour elle, ça lui servira de leçon. Bah oui, attends, il y a un moment. Mais non, mais il y a un moment, faut pas déconner. Est-ce que vous vous êtes déjà fait tromper? Vous appelez-nous là, 01 42 48 5000. On va en parler. 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bah reste avec nous, du coup, Cédric. On va revenir avec toi dans quelques minutes. Sébastien avec nous également. Bonsoir, Seb. Salut. Comment ça va, Grenoble? Bah bien, c'est bon. Avec le mauvais temps. Ah bah oui, mais comme un peu partout, hein, finalement. Bon, c'est... Sébastien, alors, qu'est-ce qui t'amène? Bienvenue à toi. Bah en fait moi ma mère m'avait foutu à la porte et je me suis retrouvé en famille d'accueil. Ouais. Que j'avais fait des bêtises et donc du coup et j'aimerais plus retourner chez ma mère et je peux l'appeler pour lui demander, du coup j'ai besoin de vous si vous pouvez m'aider. Tu veux qu'on appelle ta mère pour qu'elle te sorte de la famille d'accueil et qu'elle te reprenne? Oui. Mais c'est quoi cette mère? C'est-à-dire que vous êtes disputé, tu fous en famille d'accueil? Oui, j'aime bien le concept. Ah ouais, c'est original hein, comme histoire, dis donc. Oh là là, je ne supporte plus mon enfant. Allez hop, famille d'accueil, casse-toi. Non mais c'est dingue. C'est moi qui avais demandé au départ. Et je me plais pas du tout dans ce film d'accueil. Ah ouais, alors que si tu t'étais plus, en fait, t'aurais rien demandé, tu voudrais pas retourner chez ta mère. Ouais, j'aurais pu y retourner, mais du coup, on s'était pris une prise de tête, c'était chaud. D'accord, ok. Oui, bah écoute, on peut appeler, ouais, pas de problème. Mais ça fait combien de temps que t'es plus chez elle, là? Bah ça fait un mois, c'était fin novembre, ouais, 2 mois. D'accord, mais ça marche comme ça les familles d'accueil? Tu peux te barrer comme à l'hôtel? Je sais pas, j'ai jamais été... Viens, non, Moi j'ai jamais été en famille d'accueil, j'en sais rien, je connais personne qui a été en famille d'accueil. Bah je sais pas non plus, mais si t'as demandé à quitter ta mère pour aller en famille d'accueil, tu dois pas juste voir avec ta mère pour qu'elle te reprenne, j'imagine quand même. Non, et puis t'as dû passer devant un juge, un truc comme ça, non? Ouais, j'étais passé devant le juge en décembre. Mais ouais, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même, tu vois, enfin t'as dérangé tout le monde pour rien. Un mois après dire non mais en fait tout compte fait je suis bien chez ma daronne. Ouais, bah j'ai changé d'avis en fait, hein, tout simplement. Dites-nous si vous avez déjà fait des familles d'accueil, tiens qu'on en parle. Qu'est-ce qu'il y a, Seb? Dans ma métier, je m'entends mal. Non, j'entends pas ce que tu dis. Tu peux juste parler un peu plus fort? Ah ouais, pardon, j'ai dit dans ma métier, je me sens hyper mal. Oui, non, mais ça, d'accord, mais après, de là, retourner chez la famille d'accueil, enfin, c'est bizarre. J'aurais dû faire appel au grand frère, ça aurait été beaucoup plus simple. Ah bah ouais, je veux bien qu'on l'appelle, hein, si tu veux, mais après, je suis pas convaincu que ça marche aussi facilement que ça. J'avoue que j'y connais pas grand-chose. Justement, si vous y connaissez quelque chose en plus, là, venez nous appeler 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Sébastien, reste avec nous. Il y a John également qui est avec nous de Martigues, 27 ans. Salut, John. Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais, bon, toi tu voulais réagir à ce grand sujet qu'on va lancer avec Tov justement, là je vous demandais pourquoi vous faites l'amour à une fille ou à un garçon sans réfléchir, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit justement, sachant que les trois premières raisons c'est ressentir de l'attirance, avoir du plaisir physique et ça fait du bien, et en numéro 8 seulement arrive je fais l'amour à une fille ou à un mec que par amour. Alors, dis-nous toi John avant qu'on appelle des gens au hasard. Ben j'ai envie de te dire, soit on n'en sait rien, enfin je m'en rappelle pas en fait. Ah, tu te rappelles pas, toi, c'est encore mieux. Oui, parce que je suis trop bourré, donc du coup, je me souviens plus. C'est ça. Voilà, ben, ça serait cette catégorie-là, on va dire. Ah, toi, t'es complètement... C'est parce que... Mais toi, t'es bourré à chaque fois que tu fais l'amour, toi. Non, pas à chaque fois, mais bon, c'est vrai que, ben, pour le coup, là, ça rentre bien dans le scénario, on va dire. D'accord, ok. Bon, ben, pourquoi pas. Elle va être contente, ta copine. Elle écoute, là, ou pas? Non, je pense pas qu'elle écoute, mais bon, après, il y a des moments pour s'amuser, il y a des moments où, après... Ouais, il y a des moments pour s'amuser, des moments pour baiser, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, en gros. C'est ça. Oui, mais t'as raison, mais continue. On va appeler des gens dans quelques minutes. Tu connais personne là debout à cette heure-ci encore éventuellement là qu'on pourra appeler? Des gens sympas, agréables, tu vois? Ouais, j'ai un collègue. Il peut te faire rire, je pense. Ouais. Ah, mais il faut pas qu'il nous fasse rire, hein. Il faut qu'il soit gentil. Ouais, je pense que sur ça, il y a de quoi faire. Parfait. Quoi. Alors, je te renvoie chez Sandro. Elle va noter le numéro de téléphone, d'accord? On va l'appeler. Ça va, y a pas de soucis. Ça marche. Bon, salut John, merci de passer en tout cas, tu reviens quand tu veux. Hein. Allez, bonne soirée. Salut, ciao à toi. Et on va faire le jeu de la rupture dans quelques minutes avec Gaël et Benjamin. Le principe du jeu de la rupture est très très simple. Là aussi, on appelle des gens au hasard. C'est Gaël justement en l'occurrence là ce soir et Benjamin qui vont s'affronter l'un contre l'autre. Le but, appeler des gens justement au hasard et leur faire une discussion de rupture. Donc pas appeler en disant oh il y a une rupture, hein, évidemment, mais appeler en cassant avec la personne. Comme si c'était votre copain ou votre copine. Bah écoute, c'est terminé entre nous parce que je crois plus, etc., etc. Et le but, tenir le plus longtemps possible sans que la personne ne raccroche. Celui qui tient le plus longtemps a gagné. Et c'est un écran plat 32 pouces qu'on vous offre ce soir. Tranquille. La grande classe. Full HD, pépère. Donc si vous voulez jouer, eh bien vous m'appelez également maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi participer depuis l'application Mickaël No Limit qui est disponible gratuitement sur iTunes. Vous pouvez donc du coup la télécharger si vous voulez l'utiliser sur votre iPhone, votre iPad ou même votre iPod. Vous pouvez participer à l'émission, écouter les podcasts. Vous pouvez écouter l'émission en live et être tenu au courant de tout ce qui se passe dans l'émission. Comme ça, vous savez tout. Il est 23h26 sur Fun Radio. On est au cœur d'une heure sans pub. Bienvenue si vous venez de débarquer. Mickaël No Limit, 23h-2h. J'espère que vous prévenez vos potes, hein, qu'il y a un truc enfin à écouter le soir à la radio et que c'est sur Fun Radio que ça se passe, y compris le dimanche de 20h à minuit. On va s'écouter, je vous l'avais promis, le son de Pharrell Williams maintenant. C'est Happy sur Fun Radio. Bonne soirée. Le son de Pharrell Williams à l'instant sur Fun Radio, c'était Happy. Allez, bienvenue si vous venez d'arriver, hein, c'est Mickaël No Limit. Je vous cale dans quelques minutes un nouveau son sur Fun Radio. Et ouais, nouveau son de Fall One avec Changes. Écoutez ça pour ceux qui ne connaissent pas. Ça ressemble un peu à Backer Matt. Ouais. Voilà, si vous voulez écouter des sons en particulier, ben, n'hésitez pas à vous demander comme d'habitude. Hashtag Mickaël et puis il y aura le top tweeto, c'était également tout à l'heure. Hein, numéro 5 qui gagnera ce soir le sextoy offert par Passage du désir.fr. Voilà, il y a un message de Snoky qui dit j'ai fait des affiches fun avec écrit, il y a un truc à écouter le soir et je les ai collés dans tout le collège. Ah cool Snoky, fais des photos là, on va les publier sans problème. Secret Key qui dit les mecs veulent toujours se poser avec des meufs et avec des meufs qui s'en foutent et les nanas qui cherchent du stable, ils les jettent. Il faut savoir. Ouais mais bon ça c'est ton lit, c'est ce que t'as comme idée, mais après c'est pas le cas généralement non plus. Il y a Christophe qui dit je peux avoir un message de bienvenue mais vraiment le plus pourri tu puisses faire. Attends, je te mets ça dans quelques minutes. Et Vincent qui dit, moi je fais l'amour pour avoir le sentiment d'être super dominant car je suis gay et actif. Pas besoin de dessin. Non, effectivement Vincent, hein, pas besoin de dessin. Bon, on va faire dans quelques minutes le retour de Cédric, de Sébastien, de Priscilla pour la colle. Mais avant cela, eh ben on va enfin appeler les amis de Toff. Allons-y. Eh ben il est temps évidemment, hein. Donc des numéros que vous avez envoyés sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Le principe est simple, eh ben on se demande depuis tout à l'heure et on vous demande également votre avis. Pourquoi vous faites l'amour en fait à une fille sans réfléchir, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Les trois premières raisons donc dans le sondage qui sont sorties, c'est parce qu'il ressent de l'attirance, je voulais avoir du plaisir physique, et même ça fait du bien, et n'arrive qu'en huitième position le par amour. Oh. C'est quand même très léger je trouve, hein. Oui c'est triste. Bah oui, donc du coup on y va, on appelle maintenant. Allons-y. Allez c'est parti. Alors attends. Non, ça ne marche pas. Attends, bouge pas. C'est encore un truc. J'essaye autre chose, ne bouge pas de là. Hop là. Non, ça ne marche pas non plus. Bon, c'est pas grave. Le standard ne marche plus. On va redémarrer ça. On va faire les appels dans quelques minutes. Ne vous inquiétez pas. En attendant, il y a un message aussi de Rémi qui dit un gentil message de bienvenue. Je suis renvoyé définitif. Eh ben bravo Rémi. Eh ben bravo, espèce de con. Eh ben félicitations, dis donc. Hein, tu veux un message de bienvenue? Alors attends, je vais t'embêter. Tu vas voir ça. Tu sors de queue. Voilà. Bravo Rémi. Hein, félicitations mec. Hein, bravo, bravo. Hein. Marine qui dédie à Marine également, qui est à côté de moi à l'internat. On attend l'alarme. On attend l'alarme incendie. Ah merde, pourquoi est-ce qu'il va arriver à l'alarme incendie là? Elle va démarrer à cette heure-ci en plus. Ils vont la déclencher eux-mêmes, bah, je pense. Oui, bizarre quand même l'alarme incendie. Sinon, j'ai celle-là. Hein. Voilà. Quelle horreur. Ça y est, l'alarme incendie. Ça y est, là. C'est Toff, il est en train de brûler. Voilà, vous pouvez y aller, voilà. Les gars. Ça y est, vous pouvez sortir, Marine et tout l'internat. Là, l'alarme incendie a démarré là. Hop là, terminé, voilà, c'est fait. Etienne également qui dit bisous à toute l'équipe, toujours prêt à faire les appels chelous. Je vous aime l'équipe, bonne soirée à toi Mickaël. Merci Etienne. Et tous les messages évidemment, vous pouvez les envoyer maintenant. Ça se passe tout simplement sur le Twitter, hein. Tapez Mickaël officiel pour m'ajouter, je vous ajouterai évidemment avec grand plaisir. Et pareil sur le Facebook, on est quasiment 340 000 là ce soir en 6 mois. Vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Bon, alors, est-ce que les appels fonctionnent, Toff? J'espère. Enfin, le standard plutôt. On va voir ça tout de suite. Donc, on appelle le premier. C'est bon, ça marche. Allez, c'est parti, on y va. On appelle pour leur demander à quoi ils pensent quand ils font l'amour. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir ce qui vous motivait à faire l'amour avec votre femme. Et qu'est-ce que ça peut te foutre, espèce d'enculé? Bah, c'est juste pour savoir, monsieur. Enfin, un petit peu de... Allez, va te faire enculer. Mais enfin, monsieur... Est-ce que vous êtes motivé à faire l'amour avec votre femme? Ah, c'est des cons qui font les cons. C'est à nous qui le répond avec ta mère. Non, non, non. Je te lave le cul, là, pour le coup. Et t'as lui dire avec ma mère. C'est une femme, c'est pas mamie. Oh, la discussion de comptoir. Oh, il fallait le dire avec ta mère. Bah ouais, avec ta soeur. Bah il fallait le dire avec ta mère. Bah attends, on va le rappeler. On va les rappeler, là, c'est parti. Hop, on y va. On les rappelle maintenant. Et puis on va récupérer Cédric et Sébastien juste après. Et on va aussi se faire le jeu de la rupture avec Gaël et Benjamin. Oui, excusez-moi, on a été coupé, monsieur. Votre correspondant vous a mis en attente. Bah veuillez patienter. Bah, c'est... Oui, allô? Ah. Oui? Oui, excusez-moi, monsieur, on a été coupé. Non, mais c'est quoi cette connerie là? Mais c'est pas une connerie, monsieur, je voulais savoir ce qui vous motive à faire l'amour avec votre femme. Non, non, non, mais qui êtes-vous déjà? Donne pour commencer. Bah, je m'appelle Toff, moi, monsieur. Oui, et moi, je t'emmerde. D'accord, mais ça alors, répond pas. Toi, t'arrêtes de m'appeler parce que là, ça va pas le faire. Ou alors, tu viens carrément à la maison et je vais t'expliquer le code de la route. Et pourquoi vous voulez m'expliquer le code de la route, monsieur? Je comprends pas. Ah ouais, c'est bon. Alors, t'arrêtes de m'appeler, tu me casses pas les couilles. D'accord, mais répondez à ma question, alors. Allô, monsieur. Au moins, il veut t'expliquer le code de la route. Et ça, c'est vraiment gentil de sa part. Il ferait mieux de l'expliquer avec Camille avec un K. Oui. Sur le Twitter, qui a raté son permis aujourd'hui. Donc, ça, ce serait quand même vachement plus intéressant qu'il l'explique à elle. Bon, on va le rappeler, le monsieur. Il avait l'air gentil, hein. Enfin, une famille très gentille et très accueillante, apparemment. Allez. Ah, il décroche plus maintenant. Oui. Ah, toi, voilà. Oui, c'est moi. Alors, ben, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, je voulais savoir, monsieur, qu'est-ce qui vous motive à faire l'amour avec votre femme? Eh ben, toi, qu'est-ce qui te motive? Ben, je sais pas, j'ai pas de femme, monsieur. Ah, ben, alors t'es un homme? Ben, oui, je suis un homme, monsieur. Oui, non, mais t'as un homme alors, si t'as pas de femme. Bah non, j'ai pas d'homme, j'ai pas de femme, monsieur. Je suis seul, abandonné, je n'ai que ma main pour moi. Ah, ben comme pour moi alors. Et qu'est-ce qui vous motive à vous branler alors? Eh ben, ça dépend, quand j'ai des érections, ça me motive. Ah oui, d'accord. Il faut que ça monte et après vous finissez quoi. Ouais, moi je suis un diesel, tu sais, une fois que ça monte, après c'est parti. Ah bah parfait. Eh bah très bien monsieur, bah je vous remercie. Voilà. Hein, une bonne soirée. Et bien bah, à toi aussi. Bonne soirée. Oh, en tout cas, oh, il rigolait bien derrière. Hein. Ah ouais, derrière, ça rigolait pas mal, effectivement. Bon, on en fera d'autres des appels tout à l'heure. Hein. Si jamais vous avez des numéros de téléphone sympas à nous envoyer, n'hésitez pas, de gens encore debout à cette heure-ci. N'hésitez pas donc sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Bon, avant de récupérer Cédric avec son problème avec sa fiancée, là, donc si vous aussi, vous avez déjà été trompé, appelez-nous, on va en parler. Si vous avez des conseils à filer à Cédric, est-ce qu'il doit attendre ou pas? Ça fait quand même deux fois qu'elle le trompe et il voulait des conseils. Donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On va faire le jeu de la rupture. Gaël et Benjamin. Bonsoir tous les deux. Et bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, Gaël qui a une voix de garçon mais enfant. Ouais. Non, je suis une fille, moi. Non mais, bien sûr Gaël, mais t'as une voix de t'as une voix de petit garçon qui a pas mué. Ouais. Ah bon? Ah ouais, c'est marrant, ouais. Bon, enfin, c'est pas mignon, grave après. J'aime bien. Hein. Mais oui. Bon Gaël, 27 ans de Picardie à Saint-Quentin. Oui, c'est ça. Et je rappelle qu'on sera en Picardie, pas le week-end prochain, mais le week-end d'après. On vous donnera évidemment toutes les infos pour venir nous rejoindre. On va aller faire la teuf avec vous. On va également faire un petit kart, un petit laser game. Ouais. On ira bouffer également au Fred Fun, et ça, c'est bien. Et c'est ce qui compte. Et on fera l'émission en direct de chez un auditeur. Ce sera donc le dimanche. Pas dimanche prochain, mais dimanche d'après. Alors, Gaël, on va jouer maintenant au jeu de la rupture. Benjamin qui est avec nous également de Lyon. Salut Benji. Salut. Comment ça va? Super, et toi? Très bien. Bon alors, on va faire le jeu de la rupture. Est-ce que vous connaissez le principe? Oui. Je vais quand même, par souci, par inquiétude, je vais vous le rappeler quand même. Hein. Donc le principe, on va appeler des gens au hasard. On ne sait pas si on va tomber sur un garçon, sur une fille, on ne sait pas du tout. Le but, donc, c'est d'arriver à avoir une discussion de rupture. Donc pas appeler en disant « je pense qu'il y a une rupture », mais simplement appeler en disant « bah en cassant avec la personne avec qui que vous avez au téléphone, quoi, comme si c'était votre copain ou votre copine, et vous lui dites que c'est terminé, que voilà, il faut qu'il arrête de vous appeler, de vous prendre la tête, enfin, voilà. » Une cassure, d'accord. Une rupture, tout simplement. Le but, tenir le plus longtemps au téléphone sans que l'autre personne raccroche, d'accord? D'accord. Qui veut commencer? Peu importe. Ah, c'est bien, parce que d'habitude, il tape sur l'autre. C'est bien. Bon, alors, on va commencer par Benjamin, là. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Benjamin, premier appel, à toi de jouer. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Ok. Allez. Qu'on aura de la chance. Il n'a pas l'air d'être gagné a priori là. Bon attends, on appelle à l'autre numéro. Hop, c'est pas grave. On y va, on en appelle à l'autre. Benjamin, sois prêt. Ok. Allez. Ah, ça sent la journée poisseuse là aujourd'hui. On va pas y aller. Ah ouais, là ça sent la journée poisseuse, c'est pas grave, on a un autre numéro, on va l'appeler maintenant Benjamin, t'inquiète. Vous les avez comment les numéros là pour on prend au hasard. Ok. Allez. Allô? Allô, oui? Allô, tu m'entends ou pas? Qui êtes-vous? Allô, attends, écoute-moi s'il te plaît, j'ai un truc hyper important à te dire, je vais t'expliquer. Mais est-ce que tu m'entends bien, déjà? Allô? Qui êtes-vous? Attendez, je vais te dire, mais attends. J'ai un truc hyper important à te dire. Mais est-ce que tu m'entends bien? Parce que là, j'ai un problème de téléphone. Allô? Allô? S'il te plaît. Réponds. Allez, enchaîne. Allô? Alors en fait, là je suis un peu stressé parce que je sais pas pourquoi. Pourquoi tu veux te faire baiser tout le temps à droite à gauche alors qu'on était si bien ensemble? Pourquoi tu veux rompre? T'es qu'une cochonne ou quoi? À te faire baiser par tous les trous à droite à gauche? Moi je voulais rester avec toi, hein. Non mais sérieux, il y en a pas. Bon ben t'emballes pas. Bon, mais... on l'a vu, elle a pu parler mais elle était quand même là encore. Hein. 44 secondes Benjamin là. Ok merci. Ah, mais faut pas être vulgaire. Faut pas forcément être vulgaire. Bref, c'est comme tu veux. Mais qu'on a raccroché. Mais oui, c'est vrai que plus t'es vulgaire, plus t'as chance qu'elle raccroche. Bon Gaël. Oui. 45 secondes, score à battre, on y va, bonne chance Gaël. Merci. Allez, on fera la deuxième manche juste après la pub. Ah bah là c'est le répondeur, donc comme ça attends, c'est encore plus rapide. On y va, c'est parti, on en appelle un autre, vas-y Gaël, bonne chance. Et dès qu'il n'y a plus la musique en dessous de toi, c'est. À toi de jouer, tu dois dire allô. Allez. Pas marre de péter allô les couilles à star. Oui, allô, allô. Oui. Oui, tu m'entends? Oui. Parce que moi j'entends mal. Oui, c'est mais bon, c'est tu m'entends? Oui. Je peux te parler deux minutes, s'il te plaît? C'est qui? Ben c'est moi, c'est Lottie. Je peux te parler deux minutes? Oui. c'est urgent. Ah voilà, je t'appelle, que j'ai un gros gros problème. J'ai un problème à t'annoncer, mais t'es toujours là? Oui. Ah ok, merci. Ah voilà, je pense que j'ai fait une grosse connerie. Quoi? Je peux t'annoncer ou pas? Ouais. T'en es sûr? Oui. T'as dit? Oui. Ouais, c'est bon? Oui. Ok. Bon, tu m'écoutes toujours, hein? Oui. Raccroche pas. Non. Bah en fait, je suis malheureuse. Et ça va pas me péter les couilles à cette heure-ci? Ah non, mais tu peux m'écouter, s'il te plaît. Ah bah oui, mais elle va pas t'écouter du tout parce qu'elle s'est barrée là. Mais t'étais bien parti en mais plus. Ouais. Mais il faut y aller là, il faut y aller, oui. Les enfants là. Bon, allez, bougez pas, on va revenir dans quelques minutes en direct pour la suite. Bah, elle a fait 32 secondes. Bougez pas, on revient après ça. Bougez pas. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, nos limites. Mickaël. On Fun Radio. Et on est en direct sur Fun dans toute la France. N'oubliez pas que demain matin à 7h10, il y aura le doc chez Bruno. Mais 7h10, bah comme ça, il va se dire bonjour. Voilà, donc Bruno dans la radio demain à partir de 6h. Et c'est avec le doc qui passera aux alentours de 7h10. Il revient de la garde. Bah il revient, bah peut-être qu'il revient de la garde effectivement. D'autant dire qu'il va être frais demain soir à partir de 20h dans Love in Fun. Bon, il y a Snoky qui dit Mickaël, Tof, Polo, ces trois sont des artistes pour moi. Il n'y a pas un jour sans que je pense à eux, je les kiffe trop. Merci Snoky, c'est gentil. Bon, la suite dans quelques minutes du jeu de la rupture. Je vous rappelle également qu'il y a la colle avec Priscilla. Mon premier est un outil, mon deuxième est là-bas. Est le bave de l'arbre. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 par SMS. Et vous pouvez bien sûr jouer aussi via le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Je vous ai mis le post avec la colle justement, comme ça vous allez peut-être avoir plus facile pour répondre. facebook.com/Mickaël officiel. Je vous souhaite bonne chance. Et puis on va s'écouter également une nouveauté Fun Radio là. Et oui, je vous en parle depuis tout à l'heure. C'est le son de Folwad. Écoutez ça. Folwad avec Changes donc. Je vous le cale dans une petite dizaine de minutes. Restez bien sur Fun Radio donc. Et si vous voulez choisir des sons en particulier, bah vous les demandez, hein, y a aucun problème. Vous tapez le hashtag Mickaël comme d'habitude. Il y a Miaël aussi qui dit moi je fais l'amour par amour du cul. PS, te trompe pas dans mon prénom. Non, t'inquiète Miaël. Cindy aussi qui dit Cédric, il faut éviter les zonards. Des mystiques qui dit l'alarme incendie qui vient de me niquer les oreilles alors que j'ai le casque à fond. Oui, l'alarme incendie que je vous ai mis, c'était celle-là. C'est horrible, hein. Ah oui, elle est. C'est tough, il pue tellement que l'alarme, voilà. Ah bah, pour ceux qui ont le casque à fond, là, c'est juste une horreur, hein. Je peux concevoir, effectivement, oui. Bon, vous inquiétez pas, on va pas la mettre trop souvent non plus, mais en revanche, elle pourrait, comme ça, passer, hop, sans prévenir, on ne sait jamais. Bon, suite du jeu de la rupture avec Gaël et Benjamin. Bon, Gaël et Benjamin. Oui. Ouais. Alors, bon, on va faire la seconde partie. Pour l'instant, c'est Benjamin qui gagne, mais attention. Il faut impérativement faire un truc de une conversation de rupture et pas du allô, tu m'entends, je t'entends pas, tu m'entends, j'ai un truc à te dire, mais tu m'entends, je t'entends plus, on s'entend pas, que se passe-t-il, tu vois? Donc le but c'est vraiment la rupture quoi. Quand tu quittes ton mec ou quand tu quittes ta meuf, tu passes pas par 150 chemins, enfin en théorie. Mmh. Eh ben il faut faire pareil. Bon, je compte sur vous, Gaël, on y retourne, d'accord? Ah non, d'abord ouais, Gaël, on y va. Gaël donc qui doit faire mieux que 44 secondes. Bah du coup on va continuer avec Benjamin, comme ça on garde le suspense. Benjamin? Ouais. Allez c'est parti, on y va, on appelle, bonne chance. Merci. Dès que t'entends plus la musique, tu dis allô et puis t'y vas. Le but évidemment, dépasser ton propre record de 44 secondes. On gardera quoi qu'il arrive le meilleur des deux scores. Mais je peux te dire allô, tu m'entends non? Oui, tu peux le dire une fois, mais pas 150 fois Benjamin. Okay. Sauf si t'entends vraiment pas la. Ouais, allô? La personne. Allô? Oui. Ouais, j'ai un truc à te dire. Vas-y, pas de soucis. Ouais, ouais. Déjà, je vais pas passer par quatre chemins, déjà. C'est genre canular, ce soir avec canular? Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Ah bon? C'est pas du tout ça, écoute-moi. Alors, c'est juste que je comprends pas pourquoi tu m'as fait ce coup comme ça, en fait. Voilà. Parce que, moi c'est franchement... C'est un petit pari, c'est quoi? Au moins, ouais. Non, c'est ça pas vaut ça. Le coup à, ça vaut le coup à le faire? Ouais, non, mais ça, c'est pas ça. En fait, j'en ai marre. Pourquoi tu me trompes toujours? Enfin, je veux dire, pourquoi tu vas toujours vers les autres? Et pourquoi moi, j'ai pas le droit de rester avec toi? En fait, moi, j'ai pas envie de rompre. Hein. C'est pourquoi tu veux rompre avec moi, en fait? En fait, explique-moi juste ça. Bon, il a versé la règle, mais c'est pas grave. C'est Benjamin, là, pareil. Pourquoi tu veux rompre avec moi? Pourquoi tu veux casser? C'est tout. Moi, je veux juste savoir ça. Pourquoi tu veux casser avec moi? Parce que moi, j'ai rien fait de mal. Moi, je fais quoi? Je fais rien de mal. Moi, je me Benjamin, Ouais, tu sais même pas à qui tu parles, quoi. Comment? Non, c'est pas une blague, non. Bah non. Non, mais allô. Tu veux rompre avec moi? Tu veux rompre avec moi? Pourquoi? C'est tout. Moi, je veux savoir pourquoi. Pourquoi tu veux casser avec moi? Pourquoi tu vas toujours vers les autres? Franchement, je veux juste savoir ça, en fait. Je comprends pas. Bon, moi, ça me désole. Donc, pourquoi? Tiens bien l'enfoiré, hein. C'est tout. Moi, j'ai rien fait de mal. Ok, moi, je voulais rester avec toi, je t'aime, pourquoi... Oui, bah t'emballe pas, 1 minute 25, il a raccroché. Okay. Bon, t'as mieux joué que la première fois, Benjamin. Gaël, 1 minute 25, score à battre, oui. Pour repartir avec l'écran plat 32 pouces Full HD. Il serait bien dans le salon, là, Gaël, non? Oui. Ce serait pas mal, hein? Bah, sois bonne. Bah ouais, il va falloir être bonne, Gaël. Bon. Ouais. On y va? D'ailleurs, combien mesure? Allez, c'est parti, on y va, Benjamin, donc, Gaël, pardon, il faut faire mieux qu'une minute 25. On y va, on appelle, bonne chance Gaël, dès que t'entends plus la musique, tu vas dire allô et c'est à toi à ce moment-là. Allez. Je rappelle qu'il n'y a pas de... Tu m'entends, on s'entend plus. Allô? Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Oui. Ok, c'est bon. Je peux te parler 2 minutes, s'il te plaît? Ça te dérange pas? Jamais. Non, mais je suis... C'est la babysitter, en fait. Comment? C'est la babysitter, en fait. Bah, c'est rien, je peux te poser juste deux ou trois questions? Non. Sur quoi? Bah, pourquoi tu veux rompre... pourquoi tu veux me quitter? Enfin, je sais pas, moi. Parce que, en fait, je pense que j'ai fait une grosse... Enfin, j'ai une grosse connerie que j'ai fait. Enfin, je sais pas. Tu m'as envoyé un message. Je sais pas de quoi vous parlez, en fait. Il y a un message. De quoi? Ma vie était malheureuse, tu voulais me quitter et tout. Enfin, moi, je sais pas, genre là, je suis en train de m'isoler, je suis pas bien, je suis en train de stresser. Sérieux? Ouais, mais je sais pas qui vous êtes, en fait. Bah, c'est... 58 secondes. C'est une copine, c'est Elodie. Oui, mais enfin, je vous dis, je suis la babysitter de la fille d'Amélie, donc... ouais. Mais je peux te poser quand même des questions. Hein. Pourquoi tu... Je sais pas. Pourquoi tu veux rompre comme ça, d'un coup? Je sais pas de quoi vous parlez, je suis désolée, je... 15 secondes. Tu m'as envoyé un message tout à l'heure? Mais non, je vous ai pas envoyé de message, je vous ai dit que je suis la babysitter et je sais même pas comment vous avez ce numéro. Je sais pas qui vous êtes par rapport à la personne chez qui je garde l'enfant, donc je vais raccrocher. Bah non, tu peux rester un petit peu avec moi, 2 minutes, juste 2 minutes. Non. Au revoir. Oh. Tu veux pas parler avec moi, 2 minutes? Ah bah non, là elle a pas voulu parler avec toi. Merde. Là, 22 minutes dis donc. Oh là là. Bon. Eh ben, Benjamin, t'avais fait 1 minute 25. Ouais. Eh ben Benjamin, tu sais quoi? Ouais, je gagne. Tu gagnes? Je sais rien. Eh ben Benjamin, t'as perdu. Ouais, gagne. Oh les enculés. Ah franchement, je me hais moi-même. Oh je nous aime quand on est comme ça, un peu méchant. Oh là là, c'est pour moi tiens. Petit enculé. Voilà, je me le mets, c'est gratuit. Bon, et bah Benjamin, elle a fait 1 minute 36, c'est pas énormément en plus, mais ça suffit pour faire la différence. Bravo Gaël. Merci beaucoup. D'ailleurs Gaël, pour fêter ça, combien mesures-tu Gaël? 1m60. Combien pèses-tu Gaël? 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90B. Et la taille de les pantalons que tu as acheté? 38. Bon. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Évidemment, oui. Bon, ben voilà Gaël. Bravo, l'écran plat, Full HD, 32 pouces. Allez, vas-y, c'est la dédicace ou l'écran plat? L'écran plat. Bon allez, vas-y, il y a une seule personne, vas-y. Jessica, je te fais des gros bisous, elle nous écoute. Très bien, et Toff peut la pécho ou pas? Oui. Ah bah qu'elle vienne au El Patio alors. Bah voilà, qu'elle vienne, venez au El Patio, je vous invite toutes les deux les filles. Oui, on essaiera d'être présentes. Bon bah très bien, parfait. Salut les filles. Merci. Allez, ciao à vous, bye bye. Le Passion, on y sera le 7 février. Hein. C'est une boîte à Compiègne en Picardie. Donc vous serez évidemment les bienvenus. Et la semaine prochaine, j'aurai quelques places à vous offrir pour venir avec nous. Déjà avec, attention, table, bouteille, boisson, open bar. Jean-Pierre Sauzère en sus. Jean-Pierre Sauzère sera là également. Autographe pour présenter en live. Sauzère. Sandro sera là. Et Toff. Mais je veux dire, Polo et Toff, ça. Et Toff, ça fait Toff. Oh l'horreur. Et ouais, le mix des deux. Je vous voyais vous enfourrer en fait. Enfin bon, bref. Et donc, du coup, Toff qui sera également déguisé en lapin. Oui. Je serai le lapin de Wonderland. De Wonderland, exactement. Ouais. Je lui mettrais bien un coup de fusil de chasse dans sa gueule. Bah, avec plaisir. Voilà. Bon, alors, Benjamin, bravo quand même, hein, même si t'as fait qu'une minute 25, t'as quand même bien joué. Mais tu rejoues avec nous et tu reviens quand tu veux, Benji. Tu pourras jouer? Eh ben, avec plaisir, bien sûr, sans problème. Ok. Salut, Benjamin. Salut. Ciao à toi, bye bye Benjamin, bye. Bon, avant de récupérer Cédric et Chloé, justement, nous allons d'abord récupérer Priscilla pour la colle, encore un petit coup là. Allô, allô Priscilla pour la colle. Oui, bon alors, Priscilla, fait péter la colle pour gagner toi le netbook qu'on vous offre tous les soirs de la semaine, vas-y. Alors, mon premier est un outil et mon deuxième est le bas de l'arbre. Qui suis-je? Mon premier est un outil, mon deuxième est le bas de l'arbre. Qui suis-je? Il y a Wassim qui dit une tronçonneuse pour la colle. Je croise les doigts pour être appelé. Non. Non, ah bah voilà, très bien, Wassim, tu peux croiser les doigts, mais ça ne suffira pas. Simon qui dit c'est une tronçonneuse. Bon, on vient de dire non. La réponse à la colle, c'est les couilles. Non. Un trombone. Non. Un bûcheron. Non plus. Tronce. Qu'est-ce que c'est que ça? Tronce. Non, c'est pas ça. La mère à Toff. Non plus. Non plus. Un trépied. Non plus. Non plus. Bon, ben voilà, les autres, allez-y, hein, si vous voulez tenter de gagner l'ordinateur, le netbook qu'on vous offre. Donc, il faut répondre à la colle de Priscilla. Mon premier est un outil, mon deuxième est le bas de l'arbre. Qui suis-je? Vous envoyez Amy, quelle est la réponse, au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi depuis le Facebook de l'émission. Et là, c'est gratuit. En plus, il y a la colle qui est écrite. C'est peut-être plus facile pour répondre. Facebook.com/MIKL officiel. Je vous souhaite bien sûr bonne chance. Priscilla, tu restes avec nous? Oui. On donne la réponse dans quelques minutes, donc ne bouge pas de là. Retour avec Cédric, avec son problème avec sa fiancée. Elle l'a trompé deux fois, elle s'est barrée aujourd'hui. Et donc elle a 17 ans, lui 25. Il veut savoir s'il doit l'attendre ou pas. Est-ce qu'il va peut-être changer d'avis, se rendre compte qu'elle a fait une connerie. Bref, on sait pas très bien. Et puis il y a Chloé également qui voulait réagir à Sébastien. Sébastien, toujours là? Ouais, je suis là. Bon, Sébastien qui voulait qu'on appelle sa mère parce qu'en fait, il y a un mois, ça a été la guerre avec sa mère. Il a voulu être placé en famille d'accueil, a été au juge, tout le bordel. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, il se rend compte que dans la famille d'accueil, c'est pas forcément mieux que chez maman. Du coup, il veut revenir. Oui, je veux retourner chez ma mère. Voilà, donc tu voulais qu'on appelle ta mère pour essayer de rabibocher un peu le bordel. Mais après, bon, j'y connais pas grand chose en famille d'accueil, mais je pense que ça se passe pas aussi facilement que ça. Et il y a Chloé qui est avec nous de Nantes là. Salut Chloé. Salut. Comment ça va? Chloé? Chloé. Il suffit très intéressant avec Chloé. Hein. C'était un très beau salut. Très très Chloé. Sympa. Attends, je vais raccrocher, je vais la rappeler en direct là. Attends, bouge pas. Voilà, attends, on va la rappeler en direct. Chloé, j'espère que c'est pas son téléphone qui a plus de batterie. Enora, il a. Ah bah très bien, Chloé s'appelle Enora. Bon bah. Voilà, au moins on sait. Ah bah voilà, écoute, très bien, c'est pas grave. Bon, Sébastien, du coup, bah, je veux bien qu'on appelle ta mère, on va faire ça maintenant si tu veux. Hein. Ok, ça marche, merci. Eh bah écoute, avec plaisir. Bah tu lui parles du coup, hein. Ouais, je voulais lui parler. Bon, allez, vas-y, Seb, là, vas-y. On va essayer de rappeler Chloé en même temps, là. Ou Enora, ou je sais pas qui, mais enfin, c'est pas grave. Ah, mais si tu reviens chez ta mère, arrête de faire de la merde, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Bah oui, et lui dis pas, ne lui dis pas que c'est mieux, enfin, que c'est moins, c'est pire ailleurs, hein. Sinon. J'ai l'impression qu'il va draguer sa meuf. Non, mais en fait, écoute, je t'ai trompé, mais finalement, c'était mieux à la maison, je reviens. Vas-y, mets-lui un peu de guitare. Attends. Bonjour, ce sera pas nécessaire. La messagerie de Michel. Oh bah Michel, oh bah alors, bah Michel, dis donc, marrant ça. Ouais Michel, ça bah ouais. Bon bah écoute Sébastien, c'est le répondeur, on va essayer de la rappeler encore une fois, d'accord? Ok. Bon très bien, alors attends une seconde, on a le numéro du fixe, là, la ligne fixe, on va la rappeler Seb, bouge pas. Allez, sois prêt. Hein. En même temps s'il y a Michel, ce serait bien que l'autre Michel fasse également, qu'elle fasse partie de la fête. Et quelle fête! Une grande fête qui ne décrochera pas malheureusement. Elle est peut-être occupée. Hein. Bah peut-être. Bon Seb, ça a l'air d'être mort là. Ouais. Bonjour, vous êtes bien chez Michel et Maïli. Ah, et en tout cas, quoi qu'il en soit, on est sûr qu'on est chez Michel. Hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça c'est certain. Bon, elle va dormir tôt, tu penses Seb là, a priori hein. De quoi? Elle va dormir tôt d'habitude? Ouais, c'est vrai, elle dort toujours tôt. Ah merde. Bon, écoute, on peut essayer de la reprendre demain, mais plutôt, on peut essayer de la rappeler demain, mais genre début d'émission, quoi. Ok, est-ce que je pourrais avoir un pack de femme, s'il vous plaît? Bah, tu vas gérer ça avec Sandro, Seb, d'accord? Ok. En même temps, ça arrête de la demander maintenant, parce qu'on sait pas où on va te l'envoyer, la nouvelle famille, l'ancienne famille, ou. Je sais pas. Je suis là actuellement. Ah, d'accord, ok, bon, très bien. Bon, bah, Sébastien, je te renvoie chez Sandro au standard, d'accord? Ok, Ça roule. Merci. Salut à toi, Seb. Bah attends, reste deux secondes. Il y a Alexandre qui voulait donner un avis au changement de famille. Bah Alex, reste avec nous. Bah Seb, du coup, reste avec nous aussi. Il y a Florian qui voulait réagir à Cédric. On fera les appels encore avec Toff dans quelques minutes. Il y aura les teubés de la télé dans quelques instants. Et je vous l'avais promis, le son de Fall One maintenant, qui ressemble un peu à Backer Matt, que vous entendez peut-être pour la première fois sur Fun Radio. Au cœur d'une heure sans pub, c'est Changes sur Fun Radio. Voilà, Fall Watch sur Fall Radio, découvert sur Fall avec Changes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est au cœur de la nuit, sans pub, et ça, c'est cool. Il y a un message qui était passé tout à l'heure de Cédric qui voulait savoir si on pouvait remettre l'appel qu'on avait fait jeudi avec la bombe. Donc, si vous voulez qu'on le remette... c'était jeudi dernier, la bombe, ou alors c'était la voiture... l'arrestation de police qu'on avait fait jeudi. Donc voilà, lequel vous préférez, la bombe ou l'arrestation, lequel vous voulez qu'on remette, puisqu'il y en a qui proposaient la bombe. Puis après, c'est vrai qu'il y avait la voiture, les deux étaient bombes, donc ouais. Je sais pas, donc dites-nous si vous voulez écouter l'un ou l'autre. Hashtag et Mickaël, n'hésitez pas. Il y a Cédric qui dit salut l'équipe de fou, une heure de retard, je mérite un coup de pelle. Eh ben bravo ouais. Mec dans ta avec gueule, plaisir. Jérémy Titi qui dit coucou l'équipe, je vous écoute du boulot, un petit message de bienvenue pour mes collègues, vous êtes les meilleurs, ils disent. Bah écoute, c'est gentil. Voilà. Voilà, il y a Christophe aussi qui dit je peux avoir un message de bienvenue pareil, mais vraiment le plus pourri que tu puisses faire. Alors attends, laisse-moi réfléchir, il y a peut-être celui-là qui est pas mal, ouais, effectivement. Attends. Est-ce que je l'ai mis? Hop là, voilà. Viens, je vais t'enculer, moi, t'as l'air, bâtard. Voilà, comme ça tout le monde l'entend. Sur ma vie, je te nique ta mère. Et puis mademoiselle Caramelia qui dit salope. Oui, pour le coup, la meuf de Cédric, effectivement. Et Félicia également, parce qu'on se sent plus proche de la personne pour se faire pardonner, pour renflammer l'amour. C'était par rapport au questionnaire de Toff. Donc, vous faites l'amour à votre copine, mais vous en pensez quoi? Vous faites l'amour pourquoi? Vous ressentez quoi? Voilà, c'est la question, c'est un sondage qui est tombé. On a décidé d'en parler, évidemment, ce soir. Donc baiser. Si vous voulez, bah oui, voilà, c'est ça. Donc si vous voulez réagir, n'hésitez pas à appeler, évidemment, on est là jusqu'à 2h comme tous les soirs. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On va parler des teubés de la télé maintenant. Pour ceux qui regardent souvent la télé, tiens Cédric, tu regardes souvent la télé toi ou pas? Oui. C'est quoi ton émission préférée? Bah après moi c'est NCIS le vendredi. NCIS, d'accord, ok, sur M6, très bien. Et toi Sébastien, c'est quoi ton émission préférée? Moi, non, je suis pas vraiment télé. Tu regardes pas trop la télé. Bon, très bien. Bah, journal du Hard. Le journal du Hard, ouais, c'est ça. Non, là, il y a deux, dans Génération Mannequin, là, il y a le prof Dominique Damien qui pète complètement les plombs pour ceux qui ont pas vu du coup. Pour Dominique Damien, c'est la saison de toutes les émotions. Et un événement inattendu risque bien de bouleverser encore plus le cours de cette aventure. Qu'est-ce que tu cherches? Je ne veux plus le voir, il est viré. Terminé. Ça n'est pas. Il a l'air un peu énervé, effectivement. Et ça, complètement là. C'est du théâtre. Bon, et dans Est-ce que ça marche, j'ai trouvé le frère de Toff, hein, Bernard Montiel. Alors écoutez. Qui a déjà été infidèle, Bernard? Totalement infidèle. Moi, j'ai une philosophie dans la vie qui est importante. Cucu nouveau, caquette en fait. Voilà, cucu nouveau, caquette en fait. D'accord, ok. Et puis dans Top Chef. Je vais la garder celle-là. Ouais, bah tu m'étonnes. Et dans Top Chef, c'est un ami de Polo là qui nous explique ce qu'il faut faire avec les femmes. Des compléments qu'on fait chez les femmes. Parfois c'est pas réel, mais c'est bien de le faire parce que pour que la femme soit un peu sûre d'elle. Ça marche toujours mon chouchou? Ouais. Ah regarde. C'est cool. Voilà, il faut lui mentir. Bah oui. Voilà, c'est ce qu'il dit. On n'arrête pas de le dire. Mais on n'arrête pas de le dire. Hein. Voilà, c'est ce que Toff, c'est sur Polo, donc on n'arrête pas de, n'arrête pas de vous dire. Bon voilà, donc ça c'est les teubés de la télé. Si vous tombez sur les trucs un peu cons à la télé, là, n'hésitez pas à nous dire où c'est passé, à quelle heure c'est passé. On reprendra le son avec plaisir. Vous m'envoyez ça sur mikael@funradio.fr. Bon, il y avait Alexandre qui voulait réagir à toi, Sébastien, avant de partir. Là, Alexandre, 19 ans de Saint-Etienne. Comment ça va, Alex? Ça va. Et vous? Très bien, Alexandre. Sois le bienvenu. Tu voulais réagir à Sébastien, comme je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver. Sébastien, qui nous avait appelé parce que il était chez sa mère, ça n'allait pas avec sa mère. Du coup, il a fait l'impossible pour aller en famille d'accueil. Il y est aujourd'hui. Et il se rend compte finalement qu'il était mieux chez sa mère. Donc du coup, il veut y retourner. Mais je pensais que, enfin, il voulait qu'on l'appelle. On a essayé, mais ça décrochait pas. Il est un peu tard, évidemment. Mais du coup, je me disais que c'était peut-être pas si simple que ça de retourner non plus. Oui, parce que c'est une décision de justice dans l'espace. Voilà. Enfin, c'est bizarre. Et donc Alex, du coup, t'as vécu ça toi déjà ou pas? Ouais, j'étais en famille d'accueil 14 ans. Je me suis fait virer 19 ans de ma famille d'accueil. Ouais. C'est-à-dire c'est eux qui t'ontègent ou... ils m'ont viré parce que ça gagnait plus et qu'ils voulaient partir en vacances, ils m'ont viré de chez moi. Comment et ça gagnait plus? Ah, parce qu'ils sont payés quand ils prennent un enfant. Ouais, ils sont payés, c'est ah, ça. Ah, les enculés. Ah, et... mais c'est bon ça. Ah bah Toff, il va faire famille d'accueil. Ah ouais, je vais faire famille d'accueil direct. Quel connard alors. Et après, Oh, espèce de connard. Voilà. Oui, vas-y, dis. pour lui, eh ben, ça va pas être facile de retourner avec sa mère parce que on passe devant des juges, on passe devant des fois des psychologues, tout ça pour voir pourquoi on est plus avec nos parents, tout ça. Moi, j'ai 14 ans, c'est vraiment pas facile. Ah bah je me doutais bien hein, Sébastien, que c'était pas juste en appelant et en essayant de réparer que... Maman, je t'aime, je rentre. Mais voilà, c'est ça, que c'était pas aussi simple que ça, quoi. Ah non, c'est vraiment pas simple. Moi, mes parents, je les vois plus, tout ça. Après, il aurait pas dû demander d'être en famille d'accueil, parce que maintenant, pour retrouver ses parents, ça va être vraiment chaud. Ça va être dur. Et en plus, on fait partie, ça s'appelle d'une DVS, où il y a tous nos éducateurs qui s'occupent de nous. Je sais pas si c'est son cas, s'il a ça. T'as ça ou pas? Voilà, c'est ça. Et faut que les éducs fassent des démarches, tout ça, et c'est trop le bordel. Ouais, c'est un peu le bordel. Ouais, c'est vraiment le bim. Bon, voilà, mais au moins on en sait plus. Écoute, ça nous empêchera pas d'appeler ta mère demain, hein, cela dit au passage. Hein. Ok. Au moins, tu pourras lui dire que tu l'aimes et c'est de la revoir. Ouais, on a récupéré Chloé. Chloé ? Oui ? Pourquoi sur ton répondeur, il y a Enora ? Parce que c'est pas mon téléphone. Ok. Je l'ai piqué. D'accord. Non, c'est le téléphone de ma mère amie, parce que j'ai cassé le mien. Il n'y a pas de problème, Chloé. Bon, alors, Chloé, tu voulais réagir aussi à Sébastien, toi, par rapport au problème, là Parce que du coup, j'ai vécu un peu la même situation. Moi, j'ai été foutue à la porte à 17 ans. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai défendu mon copain. Tu l'as descendu avec un pistolet ? Défendu. Ah, pardon. Non. Descendu, c'est l'autre. La situation était bizarre parce que... non, du tout. C'est parce que son papa est arabe. Et en fait, ma mère... D'accord. Ma mère est un peu spéciale. D'accord. Et qu'en fait, ma mère a voulu coucher avec mon copain. Ah ! Bravo, maman ! Ah ouais ! Oh, la chose, salope ! En fait, du coup, mon copain n'a pas voulu, et du coup, elle les a traités de bougnoules et tout ça, et du coup, moi, ça m'a pas plu. Quel et bordel donc, coup, oh là là voilà, donc, du coup, j'ai été mise... voilà, un peu ça. Et du coup, moi, j'ai été mise en famille d'accueil, mais après, moi, c'était pas le même principe, moi, c'était administratif. Donc, du coup, j'avais... Oui, parce que t'as 17 balais, lui, il a 14, donc forcément, c'est différent. Et voilà, mais après, c'est vrai que niveau justice, c'est vrai que ça va être dur. Parce que moi j'ai eu la chance que mon papa m'ait sorti de ça parce que du coup je partais en dépression. Ah oui, parce que tes parents ils étaient séparés en fait au départ. Ouais, voilà, c'est le bordel. C'est vrai que quand t'arrives en famille d'accueil, après faut que tu tombes sur la bonne famille. C'est clair, ouais. T'imagines, tu tombes chez Toff, quelle angoisse. On a des croix dans la cave et tout là. Mais chez la mère de Toff, la mère, l'enfant va être cool. Attends, tu vas voir, elle va être bien éduquée. Hein. Ah ouais, oui, ça va être elle va marcher droit. Hein. À coup de bâton. Grave. Ouais. Mais enfin, si Toff a eu des coups de bâton, il serait pas comme il est aujourd'hui. Enfin, c'est ça. C'est pour ça que maintenant je kiffe ça et tout. Je vais faire des croix pour. C'est pour retrouver ma mère. Ouais. Bon, et donc du coup, Chloé, ce sera pas aussi simple que ça, comme je disais à Sébastien, de changer quoi. Ouais, non, ça sera super dur parce qu'il va falloir qu'il repasse devant le juge, il va falloir qu'il explique ses raisons pourquoi il veut plus aller dans la famille d'accueil. C'est le bordel, quoi. Maintenant qu'il est dans le système, ça va être dur pour lui d'y sortir. Ouais, c'est clair, ça va être compliqué. C'est un peu Matrix. En tout cas, bon courage Sébastien et merci Chloé et Alexandre d'être passé. Hein. Tu peux passer une Medifun ou pas? Allez, vas-y, Medifun, vas-y, oui. Je passe une Medifun, Une dédicace, arrête de dire une Medifun. Ouais, je crois que c'est avec Matin, ça. Hein. Ah bon? Alors, vas-y. Pauline et à ma petite copine Maïva et à tous ceux qui me reconnaîtront. C'est pas un, Oui, c'est vrai, c'est moi qui étais un peu perturbé, autant pour moi. Allez, c'était gratuit. Salut Alex, merci à toi. Allez, bisous, merci. Ciao à toi, bye. Salut Chloé, salut Sébastien, on vous reprend demain, évidemment, il n'y a pas de problème, surtout Sébastien. On va prendre Yann également dans quelques minutes, et puis on aura. Il y a Kylian également qui voulait réagir au sondage. Kylian de Carcassonne, t'es là Kylian? Ouais, je suis là. Ça va? Ça va. Bon, Kylian, oui, tu voulais réagir donner ton avis plutôt au sondage de Toff. Hein, donc, en gros, on appelle des gens depuis tout à l'heure pour leur demander simplement, à quoi ils pensent quand ils font l'amour. Moi, je voulais répondre parce qu'au moment où t'as posé la question, je venais de finir l'acte. Non, l'enculé. T'as fait quoi dans l'acte? Ça m'intéresse. Attends. C'est quoi l'acte? T'as fait quoi? C'est parce qu'il cherche l'idée de se branler pour se branler après, donc c'est pour ça. Voilà, il veut savoir. Vas-y. Non mais pour plus de détails, voilà, je suis gay. Ah c'est d'accord. Non mais va direct. Ouais, alors t'as pas. Fait quoi avec ton mec? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon mec? Ah ouais, c'était. Putain, moi j'ai bien une idée. Moi j'ai bien idée. Bien, je vais t'enculer, moi, t'as l'air bâtard. il m'a fourré. Bravo. Voilà. Est-ce que tu as été bien fourré? Très bien. Comment peut-on... Alors explique-nous comment on fait pour bien fourrer. Eh bien on fourre. On fourre et on fourre. C'est comme le boulanger. C'est comme le boulanger et la baguette. Exactement, c'est génial. Bon, et donc Kylian, tu penses à quoi toi alors, vu que tu venais de terminer? Et moi, je pense à la fin. À la fin, c'est-à-dire ça te fait tellement chier que t'as envie d'arriver au bout. C'est le cas de le dire, bah, de faire chier d'arriver ouais, au bout. Ouais, bah, oui, mais bon. Bah, celle de mon copain elle est tellement épaisse que ça me fait un peu mal. Donc je pense à la fin. Ah oh merde, bah t'as qu'à passer dans l'autre sens. Et attends, et comment tu peux faire pour te faire bourrer quoi? Non mais je t'assure, j'ai un haut le cœur. Non mais je conçois qu'on puisse aimer ce genre de famille. Mais toi, tu mais il aime rien lui Polo quand même. Non mais il aime rien. Hey, attendez, parce que c'est quand même, ça doit être quand même. Alors après, je ne sais pas, je ne veux pas le savoir, mais ça doit quand même être le plus mauvais coup du monde. Le mec, il n'aime rien. Il n'aime pas les cunis. Il n'aime pas la sodomie. Il n'aime pas le 69. Il n'aime pas faire ailleurs que dans un lit. Il n'aime pas faire ailleurs que dans un lit. Oh là là, quel plaît le mec. Non non, la sodomie. Non mais là, c'est un mec versus un mec quoi, tu vois. Non mais même. Non mais il se fait bourrer quand même. Bah oui alors. Y'a que moi que ça choque. Oh, bah non, moi je m'en fous. Bon bah, bah très bien. Bah oui mais je m'en branle. Il fait comme il veut. Bon bah, et donc Kylian, comme j'ai entendu hier là le soi-disant le sage là, rien n'est sale. Oui, non, oui, effectivement ce n'est pas sale tout à fait. C'est Socrate, un vieux sage, voilà, non pas Platon. Pas sale. Non il s'appelle le doc. Après c'est mes fesses hein. Mais oui mais bien bon. Bah, tu fais ce pour que tu veux. Voilà je pense à la fin. Tu penses à la fin. Bon, bah écoute, merci à toi, Kylian, en tout cas. Hein. Bon, merci à vous. Bonne pas soirée. De soucis, ouais. Salut, Kylian. Bon, il y a Florian qui voulait réagir à Cédric, qu'on va récupérer dans quelques minutes. Yann également, Anthony qui voulait aussi donner son avis sur le sondage de Toff. Priscilla pour la colle, ce sera dans quelques minutes. Et puis alors, je vous avais demandé, parce qu'il y a c'était Christophe, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui voulait qu'on réécoute le coup de la voiture, l'appel qu'on avait fait jeudi. Oui, avec la voiture. Enfin, c'est pas la voiture, c'est l'arrestation plutôt. Hein. Oui, et donc, alors il y en a d'autres qui disent ouais, non, pas la voiture, on l'a fait déjà jeudi, mais la bombe, il était mieux, etc. Je vous avais demandé vos avis. Hein. Il y a Camille qui dit Mickaël, est-ce que Polo peut me jouer un coup de pipeau? Bah oui, je pense. Oui. Bah alors on y va. Allons-y. Alors. Voilà Camille, voilà, hein, cadeau, Camille. Oui, exactement. Denis qui dit moi je suis en famille d'accueil depuis l'âge de 3 mois, l'heure actuelle j'ai 30 ans et ils sont toujours là pour m'aider. Bah, c'est une vraie famille d'accueil, ils font pas ça pour le pognon. Bonsoir l'équipe, désolé pour le retard, j'étais à fond dans mes devoirs, j'ai pas vu l'heure passer. Eh ben bravo Céline. Tiens, voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi? C'est quoi? C'est Mystique qui dit moi ce serait celui de la bombe, mais c'est dur de choisir car les deux étaient bien faits. Le prince Lédia qui dit je voudrais écouter la bombe. Quoique l'arrestation de la police était pas mal non plus. Ah c'est vrai. Franchement, moi-même à choisir, je sais pas lequel des deux je choisirais. Bon, dites-nous en tout cas, n'hésitez pas, hashtag Mickaël sur le Twitter, ajoutez-moi également un Mickaël officiel sur le Twitter et sur le Facebook, et je vous suivrai également avec grand plaisir. Je vous l'ai promis tout à l'heure, le son de Showtech qu'on écoute maintenant sur Fun Radio, la version 2014 de Cannonball. Il est minuit 15, on est au cœur de la nuit, sans pub, c'est Mickaël No Limit, 23h, 2h du mat tous les soirs, et le dimanche également de 20h à minuit, faites passer le message autour de vous, je compte sur vous. You and I have lost our minds. Showtech à l'instant sur Fun Radio, c'était Cannonball. Ah bah voilà, il y aura Tiesto aussi dans quelques minutes avec Red Lights. Je vous cale ouais. Aussi le nouveau son Britney Spears avec Till It's Gone. C'est ce qui va débarquer sur Fun Radio, donc si vous voulez écouter des sons, hein, vous demandez, hashtag et Mickaël, n'hésitez pas, il y a Snoky qui dit. Mais en fait, Tiff et Polo, ils ont la même voix. Oui, mais qui est Tiff? Bah, je ne sais pas. Cédric qui dit, bonsoir Mickaël, pour te dire que tu déchires, merci d'être là, j'étais gravement malade, ça me remontait le moral. Ah bah, content de l'apprendre, Cédric, et puis j'espère que tu vas mieux surtout. Mystique aussi qui dit, ce soir, Polo contre le reste du monde, spécial gay, oh, pété de rire. Drôle, ça. Bah, Polo contre le reste du monde, ce sera tout à l'heure, mais avant cela, évidemment, bah, je vous l'avais promis, bah oui, vous avez été nombreux à le demander, là, le canard du jeudi dernier, je sais pas si vous vous souvenez, c'était avec la bombe et on avait eu Mathieu qui nous avait appelé. C'est pas Mathieu, ça va? Bonsoir. Comment ça va? Bien et toi? Bah écoute, plutôt pas mal. Tranquillement, là, jeudi soir, pépère, dernier jour de la semaine en tout cas pour nous. Et puis après week-end, d'ailleurs on sera de retour dimanche à partir de 20h également pour ceux qui ne le savent pas encore. Mathieu, t'appelles de Cannes, 23 ans, tu nous appelles pourquoi? Bah pour faire un petit canular à mon oncle, en fait il est pompier et vu comme j'aime bien lui faire des blagues de temps en temps, bah je l'appelle pour lui faire croire que je suis avec un pote et que pourquoi pas faire exploser une bombe ou n'importe. Une bombe? Moi ouais, une bombe artisanale. Alors en fait ce qu'on va faire pour l'énerver encore un peu plus, c'est qu'on va dire que c'est moi qui ai commandé tout le matos sur internet et puis bah je suis venu chez toi pour pas monter la bombe tout seul quoi.

faire d'autres appels avec Toff. On va récupérer Cédric qui a perdu sa meuf, donc ça fait deux fois qu'elle le trompe depuis, bah, plus de nouvelles. Et donc il veut savoir s'il doit l'attendre ou pas. Florian qui voulait donner son avis. Bref, encore plein de choses à se passer qui vont se passer. Et souvenez-vous, hier je vous parlais de cette chanteuse d'opéra qui s'est faite virer parce qu'elle pétait trop. Oui. En fin d'émission. Et ben, j'ai du neuf ce soir. On va en reparler dans quelques minutes. Restez là. On est au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël No Limit. 23h, 2h tous les soirs. On revient après Tiesto, Red Light sur Fun Radio. Tiesto avec Red Lights à l'instant sur Fun. Et il y aura Britney Spears qui va débarquer avec Till It's Gone. Et Benoît qui dit ce canular était vraiment puissant, ça faisait longtemps. Super canular pour NWN. Il y a Tess aussi qui dit Polo, un homme en toute simplicité comme mon toit. J'aime les choses simples pour avoir du plaisir. Alors respect. Ah bah voilà. Mais ouais, Tess, mais ouais, respect à Polo. Non, bon. Attention, je dis pas que tout est simple dans ma vie et dans ma vie sexuelle, mais voilà. Bah oui. Tout simplement, ouais. Mais il n'aime pas les cunifs, ça c'est le principal. J'ai pas envie d'attraper de l'herpès, voilà. Il y a Margot qui a envoyé un message sur l'application Mickaël No Limit sur iTunes. Bonsoir, est-ce que c'est possible d'avoir un message de bienvenue? Bah oui, pourquoi pas. Eh ben, va lui mettre un gros dos dans la chatte et va niquer ta mère aussi, gros bâtard. Voilà, Margot, avec grand plaisir, je vous kiffe. Un message qui est arrivé également et Mathias qui dit toute l'équipe a le swag. Bon, on fait ce qu'on peut en tout cas. Bon, allez, on va donner la réponse maintenant à la colle avec Priscilla. Surtout Polo, il a le swag. Totalement. Non, plus le swag. Il a plus que le swag même. Bon, alors, t'es de nouveau. Voilà, Priscilla. Très bien. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que bah, comme on est en retard, t'as plus de chances de gagner, puisque forcément, le principe, c'est qu'on appelle quelqu'un qui a, en théorie, donné la bonne réponse. S'il décroche et qu'il donne la bonne réponse, il gagne, tu perds. Mais s'il ne décroche pas, tu gagnes. Donc, comme on appelle plus tard, forcément, il y a plus de chances qu'il soit en train de dormir. Mais c'est pas gagné pour autant, Priscilla. On y va maintenant. On appelle le ou la gagnante. T'es prêt? Allez. C'est parti. Allez, si elle décroche et qu'elle a la bonne réponse, elle gagne l'écran plat 32 pouces. Non, le netbook, pardon. Et si jamais ça ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, Priscilla, tu gagnes le netbook. Allez, c'est parti, on y va. Déjà, ça sonne. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Kevin. Salut Kevin. Je m'attendais à une bombe, tu sais, qui allait décrocher. Ouais, salut, c'est Vanessa, t'as vu. Bon, Kevin. Oui. Kevin, il y a Priscilla à se faire scier par Kevin là. Quel âge t'as, Kevin? J'ai 14 ans. D'accord, ok, putain, oh, voilà, rage Priscilla. Bon, alors Kevin, il y a Priscilla qui a une colle à te poser, vas-y. Mon premier est un outil, mon deuxième est le bas de l'arbre. Qui suis-je? Un citron. C'est ça. Oh la rage. Eh ben voilà, Kevin, bravo, le netbook est pour toi, car oui, c'est un citron, hein. Citron, voilà, hein. Mon premier est un outil, une scie, mon deuxième est le bas de l'arbre, le tronc, qui suis-je, un citron, donc. Bon, bah Priscilla. Oui. Ça, c'est avec des cols de merde comme ça, hein, du coup, forcément. Bon, c'est pas grave, Priscilla, tu retentes ta chance quand même quand tu veux, d'accord? Ok, ça va. Allez, je te fais des bisous. Salut à toi, Priscilla. Et bravo, Kevin, quand même. Merci. Et ben voilà, le netbook est pour toi. Tu vas retourner chez Sandro au standard. On prend tes coordonnées dans un instant, ok? Eh, hey, Kevin. Ouais. Tu es entré illégalement dans cette émission, toi. Pourquoi? Parce qu'à cette heure-là, il devrait être en train de dormir. Ah bah, je te confirme. Kevin, hein? Comment se fait que tu dors pas, d'ailleurs, à cette heure-ci, là? Je sais pas pourquoi je dors pas. T'as cours demain? Je vous écoute. T'as cours demain? Ouais. Eh ben, va au lit. Tu commences par quoi? Par quel cours demain? L'été. Oh non, ça va alors, très bien. Bon, bah alors tu peux rester, bon. Pas de problème. Ouais, j'ai pas de problème. De cours. Oh bon, bah alors pépère, ça va, tu feras une sieste. Bon, Kevin, je te repasse Sandro au standard, merci d'écouter. Et n'oublie pas de prévenir tout le bahut qu'on est là tous les soirs de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Hein. Ouais, ouais. Bon, t'as déjà fait le message? Ouais. Bon, parfait. Et les autres, ils écoutent la radio? Ah, ça, je sais pas. Ah, bah, il faut aller vérifier, Kevin. Il faut aller leur dire, leur demander, qu'ils te racontent un peu pour prouver qu'ils ont écouté ce qui s'est passé dans l'émission du jour avant, etc., etc. Il faut aller les chercher, ceux-là aussi, là. C'est pas parce que toi, t'as bon goût et que t'écoutes quelque chose de bien qu'il faut laisser tes potes écouter de la merde. Tu dois être comme comme un pasteur. Tu voilà. dois convertir toutes voilà. ces foules à un culte. Il faut les sauver, ces petits scarabées. Mais oui. Et oui, bon. Évangélise. Voilà, va évangéliser. Allez, je compte sur toi, pas Kevin. Avec ton bâton de pèlerin. Avec son iPod. Voilà, je compte sur toi tous les soirs, 23h, 2h, et le dimanche, 20h, minuit. Tu leur dis, et puis après, eh ben, ils donneront leur avis. D'accord, Kevin? Ok. Allez, salut à toi, ma gueule. Ciao. Ciao. Ciao. Allez, salut. Boy, bye bye. Allez, c'est parti, on va récupérer Cédric maintenant, puis on va faire les appels de Toff dans quelques minutes aussi. Là, Cédric est avec nous, qui avait un problème avec sa fiancée. Et il y a également Florian qui voulait réagir de Saint-Etienne. Allô, Flo. Salut les gars, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Très bien. Alors, tu veux donner quoi comme conseil à Cédric, puisqu'il avait appelé en disant que bah ça fait deux fois que sa meuf le vire, qu'il veut encore attendre pour voir s'il ne change pas d'avis, etc. etc. Alors, bah, dis-nous. Bah, perso, ça m'est déjà arrivé il y a un bon moment, en troisième, je sortais avec une meuf. Elle m'a foutu le seum, quoi, en fait, et ben, on s'est connu un peu. Oh, salope! Ouais, elle m'a foutu le seum. En fait, elle est sortie avec mon meilleur pote de bahut, quoi. Ah, ouais. C'est bon, ça! Elle m'a trompé avec mon meilleur pote de bahut, donc ça s'est fini en marave, quoi. Ah, ouais, tu t'es battu avec le pote? Ouais, je me suis battu avec le mec, quoi. T'as raison. Non, mais on est toujours potes, quoi, maintenant. C'est le truc le plus con, c'est qu'on est toujours potes. Bah, c'est donc, bien, tant mieux dans un sens. Mais vas-y, continue, ouais. Ouais, bah en fait, moi, le conseil que je donnerais à Cédric, c'est laisse tomber, quoi, mon gars. Franchement, faut laisser tomber, faut pas attendre. Je veux dire, franchement, t'en trouveras encore une meilleure, attends. Mais hein, oui, une de perdue. Bah non, aussi, ouais, accessoirement, ouais, c'est voilà. Vrai. Non, mais voilà, te prends pas la tête non plus, quoi. Ah non, mais faut pas te prendre la tête. Regarde, mon gars, moi, quand j'ai largué, elle prenait trop pour un compte. Ça fait 3 mois qu'on était ensemble. Au bout de 3 mois, je fais, écoute, maintenant, en plus, elle m'empêchait de voir mes potes. Il y avait des soirées, je faisais du quoi. Dis-moi, ça s'est passé dans le Far West, tout ça? Non, non, pas du tout. Non, ça s'est passé à Saint-Etienne. Ah, ok. Ah, dans le... Ah, oui, là, ça s'est passé. Verts. C'est ouais, les Verts, Bordeaux, laisse tomber, on a perdu 2-0. Enfin, bref. L'autre, il switch d'un truc à l'autre direct, il est bien. Ouais, il est mais bon, on il soutient, est bon. Mec, on soutient. Mais tu évidemment. Peux pas abandonner ton club comme ça. Bah évidemment. Mais oui. Évidemment. On est Stéphane pour toujours. Mais bon, attends, Flo, il y a également Ayo qui est avec nous de Lyon, tiens, 22 ans. Salut Ayo. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Mais très bien, Ayo. C'est de quelle origine ça, Ayo? Bah, kebab. C'est sénégalaise, Mayo. Oui. C'est drôle, oh, ça. C'est joli. Dans ma langue, ça veut dire maman. Oh, ah bon, d'accord, ok. C'est marrant, c'est ça, mignon. C'est comme si on appelait quelqu'un maman. Voilà. Du coup, ben, c'est vrai, c'est bizarre. C'est comme la chanteuse, en fait, sauf que dans sa langue à elle, ça veut dire je crois. D'accord, ok, très bien. Bon, écoute, pourquoi pas. Bon, alors, Ayo, toi, tu voulais donner un conseil à Cédric. Est-ce qu'il doit attendre ou pas la meuf qu'il a déjà trompée deux fois? Enfin, qu'elle a trompé. Qu'il l'attende pas, ça sert à rien. Moi j'ai marqué mon gars aujourd'hui à cause de ça. Donc, ah bon putain, merde. Ah c'est frais, je suis preneur. Ayo, combien mesures-tu? 1m71. Combien pèses-tu, Ayo? 68 kilos. 66? 68. Ah 68. Quel est ton tour de poitrine? J'ai entendu 170. Mais non. 90 B. Oh là là. Ah D comme Denise? Oui. Et la taille du dernier. Je vérifie toujours, c'est les tiens. Oui, c'est bien les mains. Non, mais c'est pas jamais... les fesses de Toff. Qu'on compte. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 40. Oh là là. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Si tu as besoin d'un confort, je suis là. Mais évidemment, ouais. Je peux te bercer le soir pour t'endormir. Oh, qu'est-ce qu'est cette bonté le pèlerin. Hein. Mais je sais bien. Il y a pas longtemps en plus, le pèlerin. Je suis rentré il y a pas longtemps. J'ai récupéré toutes mes affaires et je suis partie. Ah ouais, donc c'est. Il a vraiment remis des photos de son ex et lui sur Facebook ce matin, comme ça. Sans prévenir, rien du tout. Ouais, ah, carrément, ça alors. Ça me fait pédé le mec. Voilà, et puis il m'a vendu du rêve de guitare. Attends, Florian, laisse ça parler. Je n'entends rien, Flo. Oh là là. Il est en chien. Bon, vas-y, Ayo, tu disais? Non, je disais qu'en fait, il m'a vendu du rêve au départ. C'était, voilà, on va aller loin, etc., machin. Et ça faisait 3 mois qu'on était ensemble et que je faisais tout pour lui. Et au final, ben voilà. Et on va aller loin, rassure, voilà. Vous êtes partis au moins jusqu'au supermarché ensemble. Ouais, minimum, ouais, c'est minimum, c'est nickel. Bon, bah Cédric, à l'unanimité, tout le monde te dit d'arrêter les frais. Hein. Ah bah oui. Bah il faut arrêter maintenant, Cédric. Bah oui. Non, mais sachant qu'elle m'a trompé deux fois, c'est mieux. C'est mieux. En plus, ouais. C'est ça, deux fois de suite. Faut pas déconner. Et puis tu verras, Cédric, aujourd'hui, elle a 17 ans. Peut-être que dans quelques années, tu seras peut-être encore en contact avec elle. Elle aura mûri et puis elle sera peut-être une autre meuf. Hein. Ah ben, on sait jamais. Bon, ben Cédric, bon, allez, bon courage à toi. Tiens-nous au courant pour la suite. C'est possible d'avoir le pack-phone. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro. Standard, je te la repasse tout de suite. Et je vous dis merci. Vous êtes formidable. Et je vais dire à mon meilleur ami qui s'appelle Vincent. D'accord, ben on l'embrasse Vincent, pas de problème. Salut Céd. Salut. À bientôt, ciao. Tiens, Ayo et Florian, puisque vous êtes là. Et Florian. Ouais. C'est très rare que je le dise, mais est-ce que tu peux parler moins fort? Ah, excuse-moi. Là, en fait, j'ai un appart qui résonne, donc. Ah oui, on a bien entendu ça, je confirme. Parce que entre Ayo et toi, c'est-à-dire que Ayo, la pauvre, on l'entend même pas. désolé. Mais bah écoute, ouais, t'inquiète pas, comme on est sympa, on t'offre une commode. Voilà, c'est ça, une commode. Toff va faire commode chez toi. Il va venir, il va s'installer, tu pourras poser des trucs sur son dos, ça va être génial. Et tu pourras utiliser son trou du cul pour mettre des stylos. Exactement, ouais. Ou des bougies. Ou des bougies. Ou des bougies. Bon, est-ce que vous. Ah bah ouais. Eh, vous avez entendu l'émission hier soir ou pas? Ouais. Je me suis endormie au bout d'un moment, en fait. Bravo, Ayo. Désolée. Bravo. Mais le travail, c'est pas de ma faute. C'est pas une excuse. Non, je plaisante. Désolée. Bon, hier... Va, je te suis quand même depuis l'an 2000, hein, quand même. Depuis l'an de... L'an 2000, l'an 2000. Bah oui, depuis que vous avez commencé sans interdit. Ah oui, mais là, c'était pas l'an... Oui, non, mais d'accord, c'était en 2005, mais pas en l'an 2000. Ouais, ouais. L'an 2000. Non, mais l'an 2000, j'ai l'impression d'avoir 1000 ans, là. Au siècle dernier, je t'écoutais, Mickaël. Non, mais c'est vrai, je me suis depuis sans interdit. Ah bah écoute, donc, là, c'est bon. Gentil, c'est gentil, Ayo. Ne me dis pas ça, je veux. Elle avait 15 ans, elle avait... Non, pire, t'avais quel âge, Ayo? Je me rappelle même pas, 2005, j'avais peut-être 14 ans, non? Oh, quelle angoisse. 14 ans. Bah, j'ai décidé de quitter ce monde. Mickaël nous a quittés ce soir. Mais non. Et oui, dommage. Car l'an 2000, il n'a pas supporté l'an 2000. Après Toff qui a pissé du sang et qui a failli mourir, Mickaël, ce grand animateur radio qui a révolutionné le monde de life, nous a quittés ce soir à cause d'Ayo. Ayo, une ancienne auditrice. Non, c'est bon, ah je suis de retour quand même, rassurez-vous, qu'il n'y a pas de problème. Eh, regarde-moi ce connard, il était content là. Ah oui, il était content, je vais prendre sa place. Comme quand j'étais coincé à New York, il allait récupérer ma place et il s'est plein de crottes de nez dessus. En plus, je veille. Je me voyais déjà coller ma semence. Ouais, oui, c'est ça. Bon, et donc du coup, hier soir, en fin d'émission, là, on a parlé de la chanteuse d'opéra là qui s'est fait virer parce qu'elle pétait trop. Et bah ça m'a donné l'idée d'un petit blind test. Et on va voir si vous arrivez à reconnaître ce qu'elle chante. Heureusement qu'en radio on peut péter, hein, parce que sinon j'en connais beaucoup qui seraient virés. Ah ouais, ça c'est clair. Ouais. Bon, alors écoutez, Ayo et Florian, là, on va voir. Bah, on va prendre Yann aussi. T'es là, Yann? Ouais. Et Anthony aussi, il est là aussi. Salut Anthony de Toulouse. Il est pas là, c'est pas grave. Anthony? Non, il est pas là. Bon, alors, Yann, Ayo et Florian, là, écoutez bien, essayez de retrouver le titre de la chanson ou le nom du groupe, écoutez bien. C'est la version de la chanteuse d'opéra. Ah, il y a un riz. Ah oui. Ah oui. Je te rappelle que j'ai fréquenté pas mal de... Ah oui, c'est vrai. De grands pétomanes. Ah bah ouais. Le karaoké. On va faire ça ce soir, tiens. Bon, hey, les autres. C'est un truc de ouf. Parce que Ayo, Yann et Florian sont pas bons. Donc, si vous voulez jouer au karaoké, n'hésitez pas. Hein, vous vous inscrivez maintenant. Bah, appelez le standard, tiens. 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Bon, bah, Ayo et Florian, merci à vous deux en tout cas. Y a moyen, comme j'ai eu 20 ans aujourd'hui, le 29 janvier, il y aurait moyen d'avoir un truc. Ouais, alors attends, tiens. Ah, c'est voilà. Gratuit ça. Allez, il est gratuit, je t'en mets même un autre. Voilà. Là, on est bien. Attends, il y a Toff qui va lever la jambe. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Bah voilà, on est bien là, non? Bah, bon anniversaire, mec. Hein. Ah, merci, c'est gentil, les gars. Avec plaisir. Bon. Ouais, bah ça, tu peux avoir en revanche. Ah bah merci, une grosse dédicace à mon meilleur ami Romain qui m'écoute. D'accord, bah le message est passé sans problème. Passe une bonne soirée. Ouais, pas de soucis les gars, merci. Et merci à toi en tout cas. Salut. Allez, à toi Flo. Et merci à Ayo d'être passé aussi, tu reviens quand tu veux. Hein. Pas de soucis, merci. Salut, ciao. Bisous, bye. Bon bah Yann qu'on va récupérer dans quelques minutes. Et puis bah dites-nous si vous voulez jouer au karaoké ce soir. Alors je vous le remets quand même le son de Daft Punk parce qu'il était quand même improbable. C'est la règle qu'il a trouvé. Karaoké, c'est Sandro. Non mais improbable. Mais non, mais j'ai l'impression que... Ah ouais. Mais je vois pas, moi. Oui, I'm too far. Mais je vois pas, j'en peux pas. Voilà, voilà, c'est Get Sandro, Lucky, c'est Get Lucky. Et Sandro a mais trouvé, me dis pas oui, et ça c'est beau. C'est Get Lucky. Et ça c'est beau. Bon, ben voilà, comme ça vous savez. Et puis, ben, si vous voulez jouer au karaopé, on va faire ça dans quelques minutes. Si ça marche bien, on en fera d'autres. Bon, allez, vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0. Et puis, ben, on va se mettre le nouveau son de Britney Spears qu'on essaiera de mettre en karaopé à l'occasion aussi. Hein. Till It's Gone maintenant sur Fun. I'm blind from the tears that fall like rain. Britney Spears de nouveau, Till It's Gone. Bah restez là, il y aura Tony Junior à suivre avec Twerk Anthem. Je vous passe aussi un nouveau son fun avec Cockpit Out of Time. Et puis je vous passerai aussi Fall Out Boy Slim. Fall Out Boy. Oh, j'aurais bien voulu, mais. Fall Out Boy Slim avec Hit, Sleep, Rave, Repeat. Et puis après Metallica. Bah ouais, bah exactement, et Nirvana, tout le bordel. Voilà, c'est ce qu'il y a à suivre sur Fun Radio dans quelques minutes. Et puis avant 1h du mat, il y a Nespa qui dit Britney Spears sort toujours du lourd. Secret Key qui dit Sandro parle le paix. Non, mais c'est improbable, là, le son de Daft Punk qui est reconnu là. Ah oui. Margot également, je suis plié. Il y a iRoller qui dit Mickaël en top tweet, prénom du boss. Bah merci iRoller. Bah merci à vous d'ailleurs aussi. Hein. C'est encore une fois le hashtag le plus cité en France ce soir sur Twitter. Merci beaucoup. Il y a Megumi qui dit oh merde, si Mickaël se tue, je me tue aussi par amour comme Juliette et Roméo. Oh mais merci Megumi, le prince Nidia qui dit j'adore vraiment le nouveau Britney. Il est pas mal Till It's Gone effectivement. Ouais. Et Romain qui dit franchement vous déchirez grave. Le coup du gay énorme avec Polo qui gueule derrière. Un petit message de bienvenue également s'il vous plaît. Oui avec plaisir. Yeah, je vais t'enculer moi t'as l'air bâtard. Voilà et Morgane qui dit moi aussi j'aimerais bien mon message de bienvenue. Bah oui. Allons faire un culé gros pédé. Et puis Willy, Bad Williams qui dit des malades tonight avec Mickaël No Limit. Je vais m'endormir avec eux, mort de rire des bars sur le canular. Merci à vous, bah merci à toi aussi d'écouter évidemment Bad Williams. Avec plaisir. Et puis encore un message aussi de Tess qui dit mon chat tente de bouffer les écouteurs avec lesquels je vous écoute. Un coup de pelle pour lui. Oh bah évidemment. Attends. Merde, oui. Oh merde. Voilà, c'est Polo qui a pas pu se retenir. Elise aussi, un jour les émissions de Mickaël ne seront plus aussi addictives, mais c'est pas encore pour aujourd'hui. Cœur. Oh, hashtag. Oh, bah, c'est gentil. C'est bah, j'espère que ça va le rester surtout. Hein. Bon, alors on va jouer donc au karaopé avant de récupérer Yann et Anthony. Et pour jouer au karaopé, ah bah il y a du monde là au karaopé. Hein. Soraya, Marjorie, Aziz, Alexandre, comment ça va? Ça va. Bon, alors on va commencer par les filles. Marjorie, 20 ans de Charleroi. Hey, je tiens à préciser, parce que j'ai jeté un petit œil sur Twitter, on ne connaît pas les réponses. Sandro n'a pas triché, elle découvert le fait. Il n'y a que moi qui vois les titres. Oui, on ne connaît pas du tout, donc arrêtez de dire à Sandro, elle connaît. Non, elle est spécialiste du paix, elle est spécialiste. Arrêtez d'être jaloux, quoi. Comment ça va, Marjorie, à Charleroi? Ça va, super. Bon, très bien. De l'autre côté, il y a Soraya de Châlons en Champagne. Salut, Soraya. Coucou. Comment ça va? Ça va bien. Bon, est-ce que toi aussi tu es spécialiste du paix comme Sandro? Peut-être, on verra. Bah, je vous le souhaite. Ça va te suivre longtemps. Et ben, Aziz également du 80. Salut Aziz. Ouais. Comment ça va Aziz? Ça va et toi? Très bien Aziz. Et Alexandre également de Nantes. Comment ça va Alexandre? Ça va et toi? Très très bien Alexandre. Bon alors comme il y a deux filles, deux garçons, c'est cool. On va faire un petit des équipes. Bah, l'équipe des filles contre l'équipe des garçons. Marjorie, Soraya, vous allez œuvrer ensemble. Bah même avec Sandro, tiens, comme ça vous serez trois. Ouais, mais la plus forte avec nous. La plus forte, je sais pas, mais bon. C'est un hasard. Ouais, c'est ça, tapé au hasard, c'est tout. Hein. Et alors, Alexandre et Aziz, alors vous voulez prendre Toff ou Polo dans l'équipe? Ouais, on va prendre Polo qui aime les moules frites au hasard. Ouais, qui aime les moules frites. Ah bah oui, c'est vrai qu'il aime bien moules frites. Pas de moules, mais si, écoute. Ah bah attends. C'est du paix ça Metallica. Non pas c'est du tout. C'est du paix non? Non c'est pas du paix, c'est Stromae. Bon alors Aziz, Alexandre, tu vas jouer. Enfin, vous allez jouer avec Polo, Soraya et Marjorie, vous allez jouer avec Sandro. Allez les filles. Le but donc, arriver à découvrir la chanson originale faite à base de paix. C'est ce qu'on appelle le karaopé. On y va, est-ce que vous êtes prêts? Ok. Ouais. Alors attention, le premier qui a la réponse crie son nom bien fort, sinon c'est perdu, d'accord? Ok. Ouais. Donc si vous avez la bonne réponse comme les Daft Punk, dites pas Daft Punk. Donc si c'est Soraya, tu dis Soraya, et puis après tu donnes la réponse, d'accord? D'accord. Bon allez, on y va, c'est parti. Et Sandro, elle se concentre. Hein, j'ai la pression parce que j'ai trouvé le premier. Elle est en stress total. Là. Allez, on y va, c'est parti, go. J'entends du paix, moi. l'a passé en début d'émission. Bon, je vous le remets. Je vous le remets, je vous le remets. Ah, putain. Eh, hey, stagiaire, il est bon. Tu lèves les mains. Va là-bas, tourne-toi, va au coin. Au coin. Tourne-toi. Bon, vous avez pas d'idée, là? C'est dur, mais... Non, c'est super dur. Bah si, mais si. De quoi? Animal peut-être. Ah non, c'est pas Animals, non, c'est pas Animals. J'aurais dit Avicii, mais je suis pas sûr. C'est pas Avicii non plus. Ouais, là. Mais c'est du son dance floor que. C'est du son dance floor. Ouais, mais en faut connaître les artistes quoi. Bah oui, mais attends, mais tu le connais celui-là. Mais oui, on doit le connaître. On l'a passé tout à l'heure. On connaît de à l'oreille, mais pas de les noms. C'était, mais si, c'était le deuxième titre de l'émission. Je peux vous donner un indice également. Ah, après, c'est des prénoms trop durs aussi. Mais c'est super facile, on l'a passé. T'as trouvé Daft Punk, Claude. C'était le deuxième titre de l'émission, là. Et ça peut avoir un rapport avec les Daft, ouais. Ah, Happy de... Mac Farrell. Réponse. Ta gueule! Mais non, mais tu changes les relou. Règles! Oh, on change pas les règles! Putain, le titre c'est bon aussi! Alors écoutez, on va essayer de le mettre en même temps pour voir si c'est synchro, mais pas sûr! J'avoue, tu m'aurais pas donné l'indice sur Daft Punk, j'aurais pas chaud. Trouvé! Ouais, bah, j'imagine! Pas trouvé. Bon, allez, un point pour les mecs là, Soraya Marjorie, il va falloir vous manier! Hein. Bon, ouais, allez! Bah ouais, hein. Vous êtes prêts? Ouais! On ouais. y va, c'est parti! Soraya. Quoi? Non, c'est Marjorie. Aziz, c'est Marjorie. C'est Marjorie. Afrojack, c'est une mauvaise réponse. Aziz. Aziz. Animal. Eh oui, Martin Garrix. Bon, c'est pas celui-là, mais j'ai pas l'autre. Voilà. Eh oui, c'était Martin Garrix. Moi, j'ai crié, personne n'a rien dit, non. Bah non, arrête, Soraya. Je dis Soraya, tu m'as dit la mauvaise réponse. Non, c'est Marjorie qui avait répondu à sa place. Ah merde, bon bah tant pis, alors c'est pas grave. Bon, mais importe où, c'est pas grave. Allez, titre suivant, est-ce que. Ah, c'est deux pour les garçons. C'est moi qui ai marqué. Ah oui, c'est vrai, Aziz, merde. Oh, tu vas te calmer, Aziz, hein, sinon moi. Je t'en mets une, tu vas voir ça. Non, mais c'est fini, oui. Bon, allez hop, troisième titre, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Allez, attention, le premier qui a la bonne réponse donne son nom bien fort. On y va, c'est parti. Facile. Alexandre. Ah non, pas Avicii, c'est pas Avicii, non. Sandro. Polo aime les moules frites. Ah non, bah non. Aziz. Papa Outé, bonne réponse. Allez, pour sauver l'honneur, c'était Papa Outé, Stromae. Pour sauver l'honneur, vous êtes prêts? Les filles? Ouais. Les filles, pour sauver l'honneur. Il y a peut-être un piège, attention. On y va. Sandra, Britney Spears. Non. Je sais. Ah, attends. Sandra, Stromae. Non, il faut bien. C'est plus simple. Ah ouais, grave, là, ouais, si. Alors, attends, Marjorie. La vache. Peut-être François, le Lady au soleil. Ouais, ouais. Ah, je vous le remets ensemble. Oh, attends, parce que je l'ai pas démarré au même moment. Alors, attends. Comment il est? Ah, c'est pas mal, et bravo les mecs. Le premier point Daft Punk au fils, ça fait ex-aequo? Non, ça fait 3-2. ça fait 2-2 alors. Bah ouais. Ouais, mais de toute façon, tu l'as pas donné. Attends, franchement, je vous le remets. Attendez. Mais un dernier. Un dernier pour sauver encore une fois l'honneur. Vous êtes prêts? Allez. Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Marjorie. Daft Punk. Oui. Ouais. Eh ben bravo les filles. Bravo. Ouais. Non, je plaisante, hein, c'est les mecs qui ont gagné là, j'ai remis Daft Punk exprès, pas déconner non plus. Hein. Bon ben Alexandre et Aziz, eh ben, bravo les gars là hein. Ah merci. Eh ben voilà, merci, vous avez bien joué au karaopé là, c'était pas mal, c'était pas mal. Eh, on remettra le couvert, tiens, on remettra le couvert. Attends, mais le meilleur était quand même là, c'était facile. Bah oui, c'est clair. Bon, bah merci d'avoir joué en tout cas, les gars. Là, Alexandre, Aziz, Soraya et Marjorie, ouais. Je vous fais plein de bisous. Ouais. Merci. Salut à vous, merci. Bye bye. Éducation à moi, famille. Salut, hey, on embrasse tout le monde. Salut à vous, en tout cas, merci d'avoir participé. Allez, ciao, bye bye. Allez, ciao. Eh ben voilà, bah, si vous voulez, on remettra le couvert demain, là, avec le caropet, si vous voulez jouer avec nous, là. Ouais, ouais. Bah, avec plaisir, évidemment. Mais moi, j'entends rien. T'entends rien de quoi? Mais je n'entends que du paix. Oui, mais c'est parce que y a pas, t'as pas le rythme. Mais c'est pas t'as pas le rythme dans le paix, Polo. Mais t'as pas le rythme dans le paix, toi. Mais bah, oui. À part Claude François, j'en avais aucun. Mais voilà. Il y a Ariel qui dit c'est vraiment un jeu de merde. Secret Key qui dit caropé de ouf. Il y a Tess également qui dit caropé, c'est con mais c'est trop bon. Le Prince Nadia qui dit le succès dont on ne peut pas se douter, c'est le succès de l'émission Mickaël Donimil pour preuve premier en top tweet. Oui, bon après c'est Twitter aussi. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est gentil quand même. Et Rémi qui dit coucou, je tiens à vous informer la pétition pour le départ de Justin Bieber. On en est à 80 000 signatures. Ah, pas mal bon. Donc ça monte, donc très bien. Bon, 83 000 allez. Même à l'instant. 83 000, c'est parfait. Il est 1h08, on va faire les appels encore avec Toff maintenant. Puisque je rappelle que on vous demandait quand vous couchez avec votre copain ou votre copine à quoi vous pensiez. Et donc vous nous avez envoyé un maximum de messages. Alors on est un peu en retard, c'est vrai qu'on a un peu zappé ça avec le caropé, le canular et tout ça là. On va donc appeler maintenant pour vérifier comment ça se passe chez les gens. Bah oui, voir ce qui les motive à faire l'amour. Exactement, et je rappelle que si vous avez envie évidemment de proposer du numéro de téléphone à Toff, topah@funradio.fr pour vous inscrire, surtout n'hésitez pas. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle maintenant là, 1h09, ça va? Mais oui. C'est pas encore trop tard, un petit peu mais... Et on récupère Ryan et Anthony après. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir, c'est qui? Oui, c'est Toff à l'appareil. Ah bah c'est bien, mec. Bonjour. Sympa, c'est Toff. Super cool, ouais. Attends, on va le rappeler, dis oui. Donc. Peut-être qu'il n'aime pas ton nom, hein. Bah oui. Il y a de fortes chances que ce soit avec ça, d'ailleurs. Oui, bah écoute. Allez. Oui, allô? Allô? Oui, excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, nous avons été coupés. C'est qui? C'est Toff à l'appareil. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupés. Oui? Oui, voilà, en fait, je voulais savoir ce qui vous motivait à lui faire l'amour. Quoi? Non, je voulais savoir ce qui vous motivait à lui faire l'amour. De quand vous parlez comme ça? Vous êtes qui vous? Moi, je m'appelle Toff. Je m'appelle Toff, monsieur. Quel Toff ça? Qui vous donne mon numéro? L'amour, mercredi. Pardon. Non, mais en fait, moi, je veux juste savoir ce qui vous motive à faire l'amour à votre femme, monsieur. Ah, c'est n'importe quoi. Mais qui vous a donné mon numéro? Ben, l'annuaire, monsieur. J'ai pas donné l'annuaire mon numéro, moi. Ben, la preuve que si, monsieur, puisque je viens de vous appeler. Pourquoi vous me dites ça? De quand vous parlez ça? Ben, c'est, y a pas de droit, monsieur, c'est juste une question. Non, vous faites l'amour à votre femme. Comment ça? Mais on s'en fout de où je lui fais l'amour. Moi, c'est qu'est-ce qui vous motive à lui faire l'amour, monsieur? Moi aussi, je m'en fous, moi aussi. Rien ne motive. Non, mais je comprends pas. Attendez, je veux pas t'intéresser, attends. Oui. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Ouais. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir ce qui vous motivait à faire l'amour à votre femme. C'est qui, toi? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Quoi? Je m'appelle Toff. Mais je m'en fous de ta vie, pourquoi t'appelles, t'es qui? Bah parce que je voulais savoir en fait ce qui vous motivait à faire l'amour à votre femme. Va te faire enculer, arrête d'appeler là, c'est le PD va. Oui mais ça répond pas à ma question ça monsieur. Moi je fais l'amour à ta femme moi. D'accord, mais qu'est-ce qui vous motive à lui faire l'amour monsieur? C'est ta mère. Oui, d'accord, allô. Ah non, il a raccroché encore une fois, on va le rappeler encore hein. Ah bah oui. Allez hop c'est parti, on remet le couvert maintenant là, hop là, let's go. Très charmant hein. Bah oui, oh là là. Allez, et n'est-ce pas qui dit le caro? Oui, je m'excuse, je sais pas ce qui s'est passé, nous avons encore été coupés. Oui. Oui, donc voilà, je disais, qu'est-ce qui vous motive à faire l'amour à votre femme? Vas-y, casse-toi. Ah bah non, monsieur, un peu de gentillesse. Ah bah la gentillesse, tu l'as bien eu profonde là. Oh là là. Ah bah ouais, là c'est clair. Quel homme sympathique. Et donc je disais, n'est-ce pas qu'il est mort de rire, le karaoké, il pue bien. Ah bah oui, ça c'est une certitude. On mettra le couvert demain si vous voulez, du karaoké. Si vous voulez vous inscrire, dès maintenant vous pouvez vous inscrire 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et ce qu'on peut vous offrir, ce sont des espèces... Alors faut voir si ça existe. On peut vous envoyer des espèces de boules puantes. Oui. Comme cadeau. Oui, ça existe. On vous enverra une espèce de bulle comme ça, tu l'ouvres et... Pff. Et mais le risque, ça pète dans l'enveloppe. Ça, c'est un risque. Après, ça, on verra bien. Mais on va envoyer ça. Écoute, ce serait pas mal, en tout cas, comme cadeau. Vraiment, je trouve. Bon, retour avec Yann et Anthony qui voulaient réagir justement par rapport à ce sondage qu'on vient de faire. Juste avant ça, on va s'écouter le son de Tony Junior maintenant sur Fun Radio à 1h12. 1h12 du mat, on est là tous les soirs sur Fun Radio. Hein. Prévenez vos potes, il se passe enfin un truc à la radio. Rien que pour le karaopé, ça vaut la peine. Ah oui. Ah, c'est vrai quand même. Ouais. Alors, rien que pour le karaopé, là, il faut écouter Mickaël No Limite. C'est de 23h à 2h tous les soirs de la semaine sur Fun Radio et puis le dimanche également, de 20h à minuit, bienvenue si vous arrivez. Tony Junior maintenant, c'est Twerk Anthem sur Fun Radio au cœur de la nuit sans pub. Tony Junior sur Fun Radio à l'instant. C'était Twerk Anthem, il y aura Code Pit aussi tout à l'heure avec Out of Time, c'est ça. Et puis on écoutera aussi Fatboy Slim avec Hit, Sleep, Rave, Repeat. Voilà, si vous voulez écouter un son en particulier, bah demandez, hein, n'hésitez pas. Il y aura aussi le chéri, je peux te faire cocu tout à l'heure avant 2h évidemment. Et puis Emeline qui dit bientôt 340 000 sur la page. Là, je vous aime toute l'équipe, continuez comme ça. Merci beaucoup Emeline, je te fais des bisous également. Hein. Continuez comme ça, envoyez d'ailleurs tous vos messages. Et puis on va, avant de faire d'autres appels, prendre Anthony qui est avec nous là de Toulouse. Anthony, est-ce que tu es là? Ouais, tu vois. Ah, très bien, Anthony de Toulousain qui voulait réagir par rapport... Et bah par rapport au sondage de Toff, on vient d'appeler des gens là justement pour voir à quoi ils pensaient quand ils faisaient l'amour. Et tu penses à quoi toi, dis-moi? Bah mais moi je pense à de nombreuses choses. Hein. À quoi, à quoi, à quoi? À de nombreuses choses. Alors vas-y, fais péter. Bah allez, je fais péter. Vous êtes prêts? Ouais. Vas-y, on t'écoute. Ouais, mais moi c'est quand je fais l'amour, tu vois, je pense c'est au plaisir de la femme, à ce qu'elle va ressentir. C'est-à-dire, ça va la prochaine position. Menteur, je vais non mais en vrai, t'as envie de te vider, de décharger. En vrai, ouais, en vrai, tu penses à quoi? Ça c'est dans un second temps. Moi, je pense à la prochaine position que je veux lui faire, tu vois. Je pense au plaisir que je peux lui donner, comment je vais m'y prendre. Et surtout, le plus important, je me concentre à l'éjaculation. Ouais. Ah ouais, si je fais une éjaculation trop rapide, ça sert à rien. Et j'ai une solution. Quand tu sens que tu vas éjaculer, pense à Toff, tu vas débander tout de suite. Ah non, mais donc du coup, tu sais à quoi je pense? Je pense aux impôts que j'ai pas payés et tout ça. Ah oui, oui, c'est vrai que ça peut faire débander également, c'est vrai. Mais ah Toff ouais, marche à tous les coups. Hein. Je pense quand je me suis flashé, tu vois, je pense à des choses comme ça. T'imagines, la meuf, elle est quand même là, ça va, tu kiffes? Ouais, ou tu es en train de penser à ouais, ses PV. Ouais, je pense à Toff. Génial, quoi. Ouais. À chaque fois que je fais l'amour, je parle de mon match de foot, tu vois, que j'ai fait. Non, mais t'es sérieux? Ah, obligé. Et ta meuf, ça l'a fait marrer? Ouais, ben en fait, elle croit que je suis fou. Ah oui, mais là, mais y a pas qu'elle, hein. Mais en fait, j'ai expliqué, parce que tu vois, moi j'ai un sexe... Attends, tu veux pas te mettre en situation, là? Ah, si tu veux. Vas-y, alors t'es avec ta meuf, vas-y. Allez. Putain, t'as vu le but que j'ai marqué à la 70e minute? Non, mais t'es sérieux, là? Ah ouais, de ouf. Non, t'es dedans là ou t'es pas encore rentré? Là, je m'amuse à lui faire des bifles. Vas-y. Des bifles. Des bifles. C'est-à-dire, je prends ma zézette et je lui mets des coups sur les joues. D'accord, raison, on sait ce que c'est qu'une bifle. Je lui mets des petits coups à gauche, à droite. Tu vois, je lui dis, là, tu vois, je faisais des rotations à gauche, à droite avec d'accord. Le ballon. Et la zézette, elle est comment là? Elle est dure ou pas encore? Là, la zézette, elle a la mode évolution. Bon, alors, imagine, t'es là. Voilà. Vas-y. La bonne évolution, tu vois. Trac. Vas-y. Ah, ah vas-y. Ouais, tu vois quand j'ai marqué le but, tu vois comment quand j'ai marqué le but, et bim. Et là, je la rentre. But. Direct au fond. Et quand je vais rentrer, après, je m'occupe du reste. Vas-y. Ah, tu vois, j'ai marqué le but, après, j'ai couru. Ouais, vas-y. J'ai couru, j'ai crié. Yes. J'ai marqué. Et la zézette. La ZZ elle durcit bien, tu vois, la ZZ elle est bien dure là, ouais. La ZZ elle est bien dure. Ah, ça va sortir, mais non. Là je pense à quoi? À mes impôts que je dois payer. Oh putain, et l'autre il est commentateur sportif quand il est en train de baiser sa meuf. C'est Jean-Jacques, je commente mes ébats. Ah, obligé. Mais attends, mais vraiment elle kiffe, t'es sérieux avec ça? Ouais, mais elle croit que je suis fou. Mais elle ne croit pas, c'est normal mec. C'est-à-dire que qui, à la limite, quand tu fais ça une fois pour rigoler, pourquoi pas, mais si à chaque fois tu es en train de commenter ton match de foot. Et du coup, elle me dit, mais tu te vides en fait, c'est ça. Je fais non, je te raconte mon match. Ah oui, bah c'est ça, je te raconte mon bac, ma journée, fait, vois, j'ai pris un PV, etc. Génial quoi. Elle veut pas venir me voir jouer, donc du coup, il faut bien que je lui rencontre moi. Appelez-nous également, tiens, maintenant, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Est-ce que ça vous arrive de parler pendant que vous êtes en train de baiser? Ah oui. Alors, soit parler pour essayer de tenir, pour pas éjaculer trop vite, soit parler parce que vous aimez bien parler. Et qu'est-ce que vous racontez, qu'est-ce que vous dites? Parce que toi, c'est pour ça, c'est parce que t'aimes bien parler. Tiens, je te bourre, ouais, salope, voilà, espèce de putain de tarasse. Bon, alors, c'est ça, même des fois, un jour, j'écris une mouchette, hein, tu es les mouches. Attends, c'est quoi une mouchette? Je faisais sur les fesses. C'est... Ah non, une tapette, exactement. Non, mouchette. Mais c'est ouf. Ouais, tapette. Ouais, mais c'est, tu vois, c'est pour éviter les... Parce qu'en fait, j'ai eu de mauvaises expériences, tu vois, au début, je faisais des éjaculations en 10, 20 secondes. Ouais. Et j'ai dit, ouais, ouais, oh. Oui, bah, précoce, ah, ouais, quoi. Dit, ah, en fait, c'est ta technique pour... ah ouais. C'est ça. Et en fait, je regardais la pub éjaculation précoce, j'allais voir mon médecin. Et il m'a dit, il faut que tu parles. Ah, et depuis, tu tiens combien de temps? Comment? Ah là, maintenant, ouf, là, je peux te durer 90 minutes. Non, ah ouais, okay. Il arrive à tenir tout le match de foot. Ah, genre. Donc ça marche. Non, quand même. Non, là, ça va, là, le timing, il est bon. Le timing, est pas, bah, c'est pas mal. Il y a Contact sur le Twitter qui dit, le mec, il calcule pour savoir ce qu'il va faire, c'est épique. Bah, écoute, si ça peut te permettre de tenir plus longtemps, au final, ta meuf, elle a peut-être pris l'habitude, maintenant, ça va mieux pour elle. Ouais, elle met des boules de caisse et puis elle profite. Mais du coup, maintenant, elle m'a dit, je prends mon plaisir et elle a acheté des bouches-oreilles. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Elle a acheté des bouches-oreilles. Oh, les boules qui est, t'imagines, pour pas entendre son mec. Ouais, oh là là. Elle a pris du travail. Non, mais bah écoute, très bien. Après, le principal, c'est que vous kiffiez, c'est cool. Bon, appelez-nous les autres, hein, si vous avez pareil aussi, si vous parlez pendant que vous faites l'amour pour tenir plus longtemps ou juste pour raconter votre life. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon, ben Anthony, ben merci beaucoup, hein, mec. Hein. Merci à vous, les gars, je peux faire une dédicace? Ah, bah vas-y, profites-en bien à une personne, là, vas-y. Déjà à tous les mecs déjà qui peuvent, qui parlent quand ils font l'amour. Ouais. À Toto Naofel, à Christo Portoche. Qu'est-ce que t'as pas compris dans une personne? Ah, mais Christo Portoche. Ah, voilà, une seule, il faut choisir toujours la bonne. Et le petit cadeau? Eh ben, vas-y. Parfait. Ah, je sais pas, t'as pas de me dire. Ah, bah vas-y. Voilà. Ah, ça, il peut pas faire, hein. Ah, si, si, ouais, limite. Ouais, ça va, on peut faire mieux, là. Bon, allez, file un pack fun, Anthony, tu vas rester chez Sandro Standard, on prend tes coordonnées. Allez, super. Salut Anthony, à bientôt. Merci, ciao. Ciao. Et puis il y a Jean également qui est avec nous là de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Salut Jean. Ouais, salut Mickaël. Ouais, salut. Comment il va? Bah il va bien. Et je me faisais la réflexion ce midi, figure-toi, que ça me rendait ouf quand t'allais dans des bars ou dans des brasseries et que t'as le mec qui arrive et qui dit alors il va prendre quoi le monsieur? Tu sais que le mec il te dit il. Et là qu'est-ce qu'il fait Jean quand il arrive? Alors comment il va? Bon ben ça va bien et toi? Et il va comment Jean alors? Bah il va bien. Eh bah tant mieux alors. Bon, et il va nous parler de quoi Jean? Bah, en fait justement de l'acte d'amour. Oui. Oh c'est beau. Et en fait bah de parler justement pendant l'acte. D'accord. Qu'est-ce que tu racontes pendant l'acte? Bah beaucoup de gros mots et d'insultes. Ah ouais d'accord, oui après il y a ça aussi évidemment, hein. Ouais, c'est-à-dire que l'autre il racontait sa vie avec ses matchs sportifs là, et puis il y a effectivement ceux qui insultent, ouais alors genre c'est quoi? Bah c'est des gros mots... Bon, attends imagine on remet le couvert. Ah t'es une grosse salope. Ah t'aimes bien, ah tu m'as pas vu la journée, tu vas prendre ton cul toi hein. Ah t'es une grosse pute hein. Ah, ouais. Oh, les enfants sont couchés. Pourquoi tu mets les enfants dedans? Ah oh, salope. Putain va. Ah vas-y, c'est bon. On dirait Woodman. Ah oui. Ah oui, pas mal Jean, ouais. pas mal. Ah il est pas mauvais. Eh mais elle ouais, accepte. J'avais déjà entendu un petit peu pareil. C'est vrai, mais elle accepte ça? Bah bien sûr. Oui, elle leur demande. Attends, est-ce que c'est elle qui demande ou c'est toi qui a instauré l'idée? Non, c'est dans l'action. C'est nous deux qui sommes... on est complices, donc... Comment dire? Oui, non, mais d'accord, mais après, le fait de mettre une petite claque ou de dire t'aimes ça, ma cochonne ou limite salope, pourquoi pas éventuellement, mais de là à dire tu sale pute, tu vas. Ah, t'as attendu la journée, tu vas la prendre profondément dans le cul, hein, salope, tu vois. Les enfants sont couchés, tu vois. Bah après, tu vois, ça peut être un délire entre vous, hein, mais. Ça reste dans l'acte, bien sûr. Non, mais bien sûr, quand tu es. T'imagines le mec au petit matin, tu sais, allez, bon travail, espèce de sale pute, t'imagines le truc. Heureusement, ça reste que isolé. Non, c'est juste dans l'acte. Mon café, juste... grosse putain. C'est clair. Ah ouais. Et comment bon c'est venu? Parce que est-ce que c'est toi qui as instauré le truc ou c'est arrivé petit à petit ou vous avez. Ouais, c'est arrivé petit à petit entre nous deux, comme ça, tranquille. Il a commencé par t'aimes ça, puis il a rajouté salope. Début, ouais, t'aimes ça, puis après c'était plus t'aimes ça, sale pute. Ah ouais, d'accord, ok, donc t'as évolué quoi. ça a augmenté au fur et à mesure. Bon, il y a Cindy sur le Facebook qui dit ah putain, le mec il m'a tué, mais oui. Et Megumi qui dit oh merde, moi le mec il me fait ça, je lui coupe la zézette et je le jette à poil devant ma porte. Oh. Carrément. Elle a l'air un peu tendue là, Megumi, là pour l'instant, hein. Faut pas trop l'agresser là. Après, je fais ça avec ma femme, je fais pas ça avec tout le monde. Non, bah j'imagine bien. Attends, il y a Ludo aussi qui est avec nous là, du territoire de Belfort. Salut Ludo. Salut Mickaël, comment tu vas? Ça va bien. Je voudrais des filles aussi pour en parler. Tiens, appelez-nous les filles. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Appelez-nous, on vous passe l'antenne directement, pas de problème. Alors, vas-y Ludo, on t'écoute, sois le bienvenu. Ah ben, moi c'est tout simple. Je veux dire, depuis très peu de temps, ça fait un an que je suis avec ma femme. Et ça fait à peu près une quinzaine de jours que je lui ai expliqué certaines choses sur le fait de faire l'amour parce qu'elle est plus jeune que moi. Et apparemment, elle a tout compris, ça se passe bien. Et on parle dans l'amour, mais toujours dans le respect et puis surtout dans l'amour. Bah alors, mais tu parles de quoi? Ah bah démonstration. On parle de ce qu'on a envie, on fait ce qu'on a envie. Sans, ah t'as fait quoi là, ta journée? Bah rien, il y a mon patron, il m'a encore cassé les couilles. Ah bon merde, et pendant ce temps-là, il gomme. Non, on parle pas de notre journée à ce moment-là, mais on parle de notre journée avant ou pendant les préliminaires éventuels, et puis voilà, on s'accorde notre journée. Eh hey, mec, pendant qu'il fait un cuni, pendant qu'il fait un cuni, tu sais, ça va? Non, pas à ce moment-là, Mickaël, quand même, j'ai un angle occupé à ce moment-là. Ouais, bon, bah pendant qu'elle est en train de te pomper, toi tu racontes ta life. Je lui demande ce qu'elle a fait sa journée par exemple. Non mais c'est ouf. Mais vous êtes des ouf. Mais non, c'est mon couple, ça regarde que moi. Non mais bien sûr que ça regarde que toi. Chérie, tu la sens bien, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah bah écoute, j'étais faire les courses, hein. J'ai renversé mon café. Il y avait une vieille chez Carrefour là, elle traînait à la caisse, elle a fait chier. Il y avait plus de radis, olé. Non mais c'est ouf ça. Et les filles, appelez-moi, je veux savoir. Mais non, tant que c'est fait dans le respect, dans l'amour, c'est pas ouf. Non, mais on rigole, nous. Hein, ah non, mais nous, après, tu fais comme tu veux, il y a aucun problème, t'inquiète. Si je t'en fais, je fais très bien que tu me juges, quoi. Je parle aux gens qui nous écoutent, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se permettent de juger sans savoir. Ah bah ça, je te confirme, ça c'est clair, hein, ça c'est clair et net. Mais je trouvais ça énorme. Il y a le prince Nadia qui, sur le Twitter, qui dit « J'adore Jean », il commence en disant « Je vais parler de l'acte d'amour et finit par prendre salope, sale pute, t'aimes ça, etc. » Oui, ça c'est sûr. Et alors, Élise qui dit « Oh mon Dieu, non, mais vos mises en situation m'ont traumatisé. » Oh bon, je comprends pas pourquoi, Elise. Bon, et Morgane qui est trop mortel ce soir, les paix musicaux, là, j'adore. Bah, merci Morgane, on remettra le couvert demain si tu veux, y'a pas de problème. Bon, bah, très bien, merci Ludo et Jean, là, d'être passé. Ah bah, de rien. Puis, si je peux rajouter, je suis patron d'un club libertin au cas où. Ça peut intéresser. Ça m'intéresse aussi. Ça t'intéresse, bah, très bien, je suis patron d'un club libertin dans le territoire. Bah, écoute, tu laisseras ton numéro standard, je te rappelle. Y'a pas de soucis, y'a plus, merci. Bon, ça roule, salut à vous en tout cas, merci à vous deux, bye bye. Oui, vas-y, Jean, à une personne, vas-y, on t'écoute. Toute l'équipe de Mondial Relais. D'accord, eh ben, pas de problème. C'est une grande personne. Eh ben, merci beaucoup, Jean, tu reviens quand tu veux. De rien. Je peux avoir un Paxson? Bien sûr, tu vas retourner chez Sandro Standard sans problème. Y'a pas de soucis, allez, bisous. Salut, Jean. Bon courage, continuez comme ça, y'a pas de soucis. Merci beaucoup. Ah, il nous faut pas du courage, t'inquiète pas, on se marre bien. 1h27 sur Fun Radio, on va s'écouter Code Pit avec Out of Time. Juste après, il y aura les appels de Toff. On aura aussi le chéri, je peux te faire cocu. On aura également Yann et puis bien sûr Polo contre le reste du monde. Si vous voulez participer à Polo contre le reste du monde, les 5 dernières minutes sont pour Polo, il fait comme il veut. Et donc si vous voulez participer, n'hésitez pas. Si vous voulez insulter, si vous voulez lui parler, si vous voulez lui demander des conseils, si vous voulez faire ce que vous voulez, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Si vous voulez participer, vous êtes évidemment les bienvenus. Il est 1h28 sur Fun, au cœur de la nuit, sans pub maintenant, et je vous fais péter une nouveauté. Dites-nous ce que vous en pensez, vous aimez ou pas. Code Pit maintenant, c'est Out of Time sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Carpet sur Fun Radio avec Out of Time. Bienvenue, il est 1h31 sur Fun Radio. Si vous êtes débarqué, eh ben vous êtes à la bourre, mais c'est pas grave. On va dans quelques minutes récupérer Alice pour parler de ce que vous dites au lit, tiens, pendant que vous faites l'amour. Donc ça c'est la bonne nouvelle. On va faire d'autres appels également avec Toff. Et puis souvenez-vous, pour ceux qui n'étaient pas là hier, oui, c'était ouais. Chérie, je peux te faire cocu. Et c'était Asma qui est là. Comment ça va, Asma? Bonsoir, Asma. Bonsoir. Comment ça va?

Mais oui, c'est la radio, t'es sur Fun Radio. Hey, je t'appelle parce que c'est le chéri, je peux te faire cocu. Donc le concept c'est de d'appeler les mecs des meufs. Putain, mais je l'écoute tous les soirs, c'est juste. Ah bah en plus. Je suis dans un camion, il y a pas de poste. Bon, et ben voilà Mohamed. Bon, et tu sais quoi, du coup je vais pas offrir le cadeau, je vais pas te l'offrir à toi Asma, je vais l'offrir à Mohamed là. Mohamed. C'est pas grave, c'est pareil. Mohamed, tu veux quoi là? On a des casques Beats by Dre ou alors on a des caméras, les GoPro affilées? Bah mettez-moi la caméra. Bon allez, la GoPro alors, on va te filer ça. En plus, t'as bien choisi, ça vaut 450€ Mohamed. Oui. t'as plutôt bien choisi, c'est bien. Bon ben voilà, la GoPro, la Hero 3 Plus Black Edition, elle est pour toi Mohamed, bravo à toi. Et puis Asma également, bravo aussi pour le théâtre. Gros bisous à vous deux en tout cas. Merci. Et puis et bravo et félicitations pour le mariage, sois heureux. Merci beaucoup. Bon et puis on va également rejouer dès lundi avec le chéri, je peux te faire cocu. Si vous voulez participer, n'hésitez pas, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4 x 0. Alexandra qui dit énorme ce soir, vous gérer mes chouchous sans aucun doute, sauf Toff évidemment, Love Mick, merci Alex. Serge également qui dit un vrai plaisir d'écouter le chéri, je peux te faire cocu. Fabienne aussi, Michel, que tu es souple, tu prends ta bite et tu te la mets dans le cul trop fort. Et Secret Kick, il va chier chez toi déjà, mort de rire. Ah bon, c'est un engagement de faire caca chez quelqu'un. Je me suis fait la même réflexion, Secret Kick. Et Priscilla qui dit, Mickaël, tu vas niquer un couple, comment il est monté en pression. Ouais, mais il a ralenti après le moment là. Et Cédric qui dit, ta mère, elle te déteste qu'elle t'a appelé Michel. Et on hommage à tous ceux qui s'appellent Michel, bien sûr. Et Megumi qui dit, il se rend pas compte de la chance qu'il a. Bah non, ça c'est sûr. Et le prince Nadia aussi qui dit tu veux que je t'attache la tête ou quoi? Pas cool le Momo. Ouais, mais en même temps, mets-toi à sa place, c'est un peu normal en même temps. Hein. Bon, allez, la suite dans un instant avec Alice qui va nous parler de ce qu'elle fait pendant qu'elle couche avec son mec. Hein, qu'est-ce qu'elle dit hein, qu'est-ce qu'il dit? On va en parler en tout cas. Retour avec les appels de Toff. Polo contre le reste du monde également. Si vous voulez nous appeler ce soir pour faire le polo contre le reste du monde, n'hésitez pas, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 ou 02 850. 4x0, n'hésitez pas, vous nous appelez maintenant et on vous passera l'antenne avec Polo bien sûr dans même pas 10 minutes. Voilà, allez, bonne chance tout le monde. Et c'est le son de Fatboy Slim. Fatboy Slim donc avec Hit, Sleep, Rave, Repeat sur Fun Radio. Le son de Fatboy Slim sur Fun Radio, Hit, Sleep, Rave, Repeat sur Apollo contre le reste du monde avec un débat libre ce soir. Il y a Jojo qui dit pété de rire le chéri, je peux te faire cocu. Et Fabrizio qui dit Mickaël, salut toute l'équipe, vous déchirez tout. Je pourrais avoir un message de bienvenue, bonne soirée à vous et à toute l'équipe de Fun. Bah écoute, avec plaisir. Et puis les vos poils de cul. Voilà. Et Michel qui dit vous êtes trop fort, continue comme ça, sérieux. Et bah merci à vous d'écouter surtout, hein, c'est ça le principal. Et on va prendre Yann avec nous avant le polo contre le reste du monde. Salut Yann. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Bah très très bien Yann. Bon alors Yann, qu'est-ce qui t'amène? C'est pour raconter une anecdote que j'ai eue à Saint-Brieuc il n'y a pas longtemps. D'accord, vas-y, on t'écoute. Bah en fait on sortait des cours et tout et du coup mon pote il me dit qu'on va chez lui. Et du coup lui il avait pas ses clés et puis il décide de passer par derrière chez lui. Ouais. Et en fait, il doit pousser une fenêtre parce que derrière, c'était fermé. Et pour ouvrir, en fait, il avait une petite poignée et il devait pousser la fenêtre pour rentrer. Du coup, les voisins, ils nous ont vus. On est rentrés et tout. Ouais. Et 10 minutes, un quart d'heure après, on entend qu'on doit sortir de la maison et tout. C'était à la police. En fait, il y avait au moins 10 flics devant la baraque. Parce que les voisins avaient dit qu'on venait pour voler des trucs dans la maison et tout. Alors que vous alliez pourquoi? Bah pour jouer à la console. En même temps tu passes par une fenêtre. Oui mais c'est normal après. Et mets-toi à la place des voisins. C'est-à-dire que t'es chez toi, tu vois un mec qui rentre dans par une fenêtre dans une autre maison que la tienne. Tu te dis le mec il va pas là pour jouer à la console. Bah non, les voisins sont pas trop cons, ils savent que c'est lui quand même. Mais ça dépend, après quand il fait noir, tu fais pas spécialement gaffe. Ouais. Et puis pour peu qu'ils aient regardé comme ça par hasard, ils sont tombés dessus, tu sais, tu peux pas reconnaître facilement non plus un voisin, sauf si c'est tu vois sa gueule évidemment, mais là comme ça. Ouais, en plus, c'est des petits vieux, tu sais, ils ont dû flipper. Oh là là, quelqu'un qui rentre par la fenêtre. Et du coup, ça s'est fini comment cette affaire? Bah les flics, ils croyaient pas que c'était chez lui, donc ils ont carrément appelé la mère et tout. Il a demandé d'écrire son fils, il s'appelait vraiment Malo et tout. Et puis apparemment la voisine a dit qu'on avait cassé la vitre avec un marteau, je sais pas quoi. Alors qu'il a juste poussé avec sa main, il y avait rien de cassé et tout. Et du coup, bah, il a failli aller au... on a failli aller au poste juste pour ça, en fait, parce que juste parce qu'on est rentré chez lui. D'accord. Mais ça, ma soeur, ça lui arrive une fois là, mais, chez mes parents. Parce qu'il venait d'installer l'alarme, et donc ma soeur, elle connaît, elle avait oublié son code. Ouais. Et donc, forcément, l'alarme sonne. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ils appellent pour voir si c'est pas toi qui a déclenché l'alarme. Ouais, donc, ouais, ma soeur, ouais, bah, elle connaît pas le code pour dire, ouais, mais non, tout va bien. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Bon, bah, il y a quelqu'un dans la maison qui a décroché le téléphone. Donc, t'avais quatre bagnoles de flics devant la maison, girofa. Et ma soeur en panique devant, non, mais c'est chez moi. Ouais, c'est ça, t'as pas le code, connasse. Et hop, c'est parti, on y va, là, dans le fourgon, là. Non, ouais, ça va, ma mère est arrivée, donc elle avait les codes, et donc c'était bon. Ah, bon, mais... oh, très bien. Bon, bah, merci, Yann. Ouais, non, je peux faire une petite dédicace. Vas-y, profites-en, ouais. Une dédicace à Héloïse qui m'écoute, et ma petite chérie, voilà. D'accord, bah, message passé, sans problème. Salut, ouais. Yann. Ouais, salut. Allez, à bientôt, et passe-moi par les fenêtres la prochaine fois. Il y a Alice avec nous également, en Maison de Paris, là, 24 ans. Salut, Alice. Salut. Comment ça va avant qu'on fasse le dernier appel avec Toff? Ça va très bien. Bon, qu'est-ce qui se passe au lit avec ton mec, toi? Tu parles aussi, attends, ou pas? Attends. Avant de rentrer là-dedans, mettons-nous en situation. Combien mesures-tu? Rentrons ailleurs. Ah, 1m65. Combien pèses-tu? 62 kilos. Mmh. Quel est ton tour de poitrine? 95D. Oh. D comme Denise? Voilà. Du con. D comme du con. Oui, mais... D comme du con. Ouais. D à toi ou D plastique? Non, D naturel. Ah, d'accord. Et la taille du pantalon que tu as acheté? 38. Oh là là. Oh là. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Eh oui. Bon, alors. Mais écoute, avec plaisir, Alice. Bon, alors, Alice, dis-moi donc, qu'est-ce que tu dis, toi, quand t'es avec ton mec? Alors, c'est pas moi, c'est toujours les mecs, en général. Ah, tu aimes te faire traiter. Mais écoute, je viens te traiter quand tu veux. Non, du tout, mais c'est bizarre. Ah, t'aimes pas. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, je suis dans l'action et t'as le mec qui me parle, il me raconte toute sa vie et tout. Ah, mais il t'insulte pas, c'est juste qu'il raconte sa life. Il raconte sa life? Non, on m'a déjà insulté aussi. Ah, c'est bon, ouais, vas-y, raconte-nous. Il t'a insulté de quoi? Salope et tout, t'aimes ça et tout. Mais sans te demander ton accord, enfin, je veux dire, sans le faire petit à petit. Bah, non, je savais pas, moi. C'est dingue. T'as le mec, il m'a attrapé les cheveux, il me donne une claque et tout, tu t'aimes ça, salope? Ah, c'est Polo. Oh, l'enculé. Est-ce qu'à la fin, il s'est fini dans tes cheveux? Non. Ah, non, alors. Ah, c'est pas moi, alors. Non, alors, c'est pas Polo. Effectivement, il y a erreur sur pas la personne. Dans les cheveux ailleurs. Ouais, bah. Sur sur les seins? Non, non plus. Les fesses, le ventre? Tu préfères? Ah, bah. Alors, tu préfères. Le visage? Presque. La gorge? Ah, il t'a fait une faciale, ouais, quoi. Voilà. Bah, dans la gorge, quoi, ouais. Dans la gorge. Ah oui, d'accord, ok, oui, ouais, donc sur le visage, c'est presque. Pas prévu, ouais, voilà, c'est pas. Ouais, mais enfin bon, c'est-à-dire qu'il y a un moment. Oui, d'accord, il aurait pu te prévenir, effectivement. Alors, ouais, tu préfères qu'il t'insulte ou qu'il te mette un doigt dans le cul? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette. Non, mais c'est important, attends, je pense que tout le monde veut savoir. Tu préfères une pomme ou être pendu? Je préfère être pendu, moi. Bah, n'importe quoi. On va dire le doigt. Hein. Ah bah voilà. Ah bah voilà. D'accord. Ah bah voilà. N'importe quoi. Merci, ouais, pour cet éclaircissement. Ah bah oui, j'imagine, ouais. Bon, bah très bien, parfait. Et depuis, t'es plus avec lui, Alice? Non, mais c'était juste comme ça, c'est une liaison. Une liaison sans lendemain. Non, qui a duré sur quelques mois, et puis voilà. Ah oui, d'accord, ok, quand même, très bien. Après, au suivant. Évidemment, mais t'as bien fait. Bon, bah très bien, bah merci beaucoup, Alice, d'être passée. Voilà. Je te fais des gros bisous. Oui, bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro au standard. Merci à vous. Salut, Alice, je t'embrasse. Ciao, merci. Alice, à bientôt. Et avant de faire le polo contre le reste du monde, il y a bien entendu maintenant le dernier appel. Ah. C'est parti, on y va. Allons-y. On y va, c'est parti. Et donc toujours sur le thème de à quoi vous pensez quand vous faites l'amour avec votre copain ou votre copine. On y va, on est un peu en retard, hein. Désolé pour les gens qu'on va appeler maintenant, hein. D'habitude c'est vrai que c'est plutôt vers 1h30. Bon bah là on est pas. Ouais, c'est pas grave. Mais oui, on est pas à prêt maintenant. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Dernier appel maintenant. Allez. Ça parle pas. C'est sérieux, ça? Hey, je te parle pas, mais c'est ouf. Attends, on va le rappeler. Allez. Bon, il a dû croire que c'est quelqu'un d'autre. Allez. Allô? Oui, excusez-moi, monsieur, on a été coupé. Oui. Oui, en fait, voilà, je vous appelais parce que je voulais savoir pourquoi vous faites l'amour à votre femme. C'est qui, l'appareil? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Ah ouais, d'accord, c'est encore une belle connerie, mais faut pas appeler en privé, vous avez eu la chance que je réponde. Ah bah oui, mais parce que du coup, ça ne répond pas à ma question. Ah mais non, mais votre question, on peut vous la mettre où je pense, quoi. Et vous pensez à quoi, monsieur? Bonne bonne nuit à vous. Mais d'accord, mais alors, bonne soirée. Qu'est-ce qui vous motive à faire l'amour à votre femme? Allez, au revoir. Allô, monsieur. Et pour chaque coup, appelez avec un numéro normal, pas en privé, ça oui. sert à rien. Oui, mais je peux pas, monsieur, il allez. Est bloqué. Allô. Eh ben, c'est pas grave, au revoir, passez à quelqu'un d'autre. Ah ben non, monsieur, allô. Ah, il est reparti. On le rappelle? Bah oui, on le rappelle, il a mérité. Allez. Rappelle une dernière fois, là, avant 2h du mat, avant de faire le polo contre le reste du monde, le générique. J'ai oublié hier, d'ailleurs, hein. Bravo à moi. Hein. C'est pour moi. Oui, je m'excuse, mais on a encore été coupé, monsieur. Vous m'emmerdez, cher monsieur, à cette heure-ci. Bah, oui, alors moi, je vais aller voir la gendarmerie, parce que c'est hier soir, vous avez certainement dû appeler, vous n'arrêtez pas de nous harceler. Ah non, pas du tout, madame. Ah non, c'était pas moi. Qui êtes-vous, monsieur? Je m'appelle Toff, madame. Ouais, Toff, d'accord. Voilà. Et alors? Et ben donc en fait je voulais savoir qu'est-ce qui vous motive à faire l'amour à votre mari? Bah en tout cas c'est pas vous hein. Non ça je me doute mais Voilà. Et vous alors ça vous fait quoi de vous faire enculer? Qu'est-ce qui vous motive? À me faire enculer? Ouais. Mais j'ai jamais essayé encore. Ah ben vous devriez apparemment c'est vachement bien. Ah oui. Une fois qu'on y a goûté on peut plus s'en passer. Ah c'est vrai vous aimez vous? Ah ben moi j'adore. Ah c'est vrai d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui vous motive à pratiquer avec votre mari alors? Ben moi ça vous regarde pas, après ma vie privée. Après me faire enculer, j'adore ça. Oui d'accord, ça j'ai... Vous devriez essayer. Oui je sais, j'ai bien compris. Voilà. Ben parfait. Mais ça me dit pas... Écoutez, ça me dit... Mais je vous parle de la pénétration anale. Oui. Moi c'est mon kiff. Oui d'accord, j'ai bien... J'ai pas besoin de motivation avec mon mari. Après, vous devriez essayer, ça vous ferait un petit peu fermer votre gueule. Oui d'accord. Voilà. Mais ça me dit pas ce qui vous motive à faire l'amour avec votre mari tout ça madame. Ben si. C'est la pénétration anale. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est parce que vous c'est savez pour ça que vous devriez essayer. C'est parce que vous allez prendre dans le cul à la fin, du coup, ça vous motive. Ah, tout à fait. Ah. Pourquoi pas vous? Bah, je sais pas, j'ai pas encore essayé, mais écoutez, je vais essayer. Eh ben, essayez. D'accord. Au moins, vous éviterez de vous faire d'emmerder le monde. D'accord. Et du coup, je vous rappelle une fois que j'ai essayé pour vous donner le ressenti. Ouais. Si vous avez que ça à faire après, hein, c'est votre problème. Ah bah oui. Moi, j'ai que ça à faire. Oui, en tout cas, demain matin, j'irai à la gendarmerie parce que c'est fait à plusieurs reprises que vous appelez. D'accord. Voilà. Et comme il y a des cambriolages en ce moment, voilà. Ah bah oui, je comprends. C'est vrai que c'est forcément le non, fait que je vous appelle... Non, vous comprenez pas. Je pense pas que vous comprenez. Ah. Ouais, vous comprenez pas. D'accord. Bah, expliquez-moi alors. Vous avez que ça à faire emmerder les gens, vous comprenez pas, non. Vous pouvez pas comprendre. À mon avis, ça ne vous est jamais arrivé et vous devez pas comprendre. Vous n'avez que ça à faire. Oui, ça. Oui, peut-être que c'est le fait d'emmerder les gens comme ça à des heures pas possibles, d'emmerder des familles. Ça, peut-être que c'est comme ça que vous gagnez votre vie, très certainement. Ah bah oui. Ah mais c'est certainement. Ah bah oui. C'est... Quand on a des choses à cacher, on appelle en privé, hein, et puis on emmerde le monde. Ah mais non, mais si vous voulez, moi je vous donne mon numéro, madame, y a pas de problème. Ah mais alors pourquoi vous appelez en privé si vous voulez me donner votre numéro? Bah parce qu'en fait, je peux pas l'afficher, c'est bloqué, madame, dans le téléphone. Ah, c'est bloqué, oui, d'accord. Voilà. Mais c'est pas ma faute, hein. Moi si je pouvais afficher le numéro, je l'afficherais, madame. Ah ben donnez-le moi, comme ça me fera gagner du temps auprès de la gendarmerie. Bien sûr, alors 01 oui. 42 oui. 48 50 oui. 00. D'accord. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, c'est parfait. Et donc je vous rappelle une fois que j'ai essayé la sodomie. Oh bah après... Ah bah c'est vous qui m'avez proposé. Ah oui, bah écoutez, bah faites ça avec votre collègue. Oui d'accord, oui je le fais avec mon collègue et après je vous rappelle. Oh, si vous voulez, hein. D'accord, et eh ben parfait. Mais pas à n'importe quelle heure non plus. Non, ben je vous rappelle demain. Il y a des heures respectables, cher monsieur. D'accord, ben je vous rappelle demain même heure alors. Non, pas même heure. À cette heure-ci, on a des enfants, on n'a pas que ça à faire. Hein. D'accord, ben je vous rappelle plus tard alors, comme ça ils sont couchés. Non, pas plus tard. Hein. Ah. Moi, de toute façon, faites comme vous voulez. D'accord, et eh ben je fais comme je veux, à demain alors. Ouais, c'est ça. Allez, bonne soirée, madame. Au revoir. Oh là, elle s'était mal fait baiser elle. Hein. Ah ouais, elle avait besoin d'amis. Hein. Oh putain, elle a besoin de parler, hein, dis donc quoi. Non, ah, c'était long. Bah oui, c'est clair, effectivement. Oui. Bon, générique de fin dans quelques minutes sur Fun Radio. Là, il est 2h03, on est un peu en retard, mais c'est pas grave. C'est l'heure, c'est le moment, c'est l'instant. T'es à la place de l'enculé. Hein. Ah bah oui, je suis dans la place. En plus, j'ai touché ma bouche, j'ai touché son micro. Quelle horreur. Il faut que je me lave. Ah ouais, là ouais. Là, ça va devenir, commencer à devenir très urgent. Hein. Ouais. Trop urgent même. Bon, c'est parti pour Polo contre le reste du monde. On y va. Allez, j'hésite à faire un jingle parce que j'attends que le sous-chef nous supprime cette séquence. D'accord. On attend avant de produire. Polo contre le reste du monde. Le reste du monde. Le reste du monde. Le reste du monde. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio, n'oubliez pas. Le reste du c'est monde. La meilleure radio, donc c'est un beau jingle là que je viens de faire. Polo. On va commencer tout de suite avec Monsieur Lafitte. Le reste du monde. Oui, bonsoir. Je leur ai dit que Vas-y, je t'écoute. Oui, je suis ministre des droits de l'homme, donc effectivement, je m'occupe d'affaires de Jean-Pierre Sfaffer. Il faut tout de suite qu'il continue le concert, parce que sinon, moi, je ne m'occupe plus de lui. D'accord, monsieur Lafitte. Oussama. Ouais, tu m'as oublié hier, sale connard, quoi. Mais arrête de m'insulter, je t'ai pas oublié. Bah si, enculé. Mais il y avait... T'as oublié. Il y avait pas de générique hier, on l'a oublié. Ça m'enfoirait. Ouais, ok, merci Oussama. Yann. Ouais, t'as gâché mon coup, je fais que rigoler avec ma copine, là. Quoi? Mais j'ai rien fait, Yann. Si, c'est ta faute, tu fais que la draguer, là. Putain, j'ai dragué ou je drague personne, moi. Marjorie. Oui. Ouais, je t'écoute. Je vous aime. Qui t'aime qui? Bah vous. C'est qui vous? Toi. Mais c'est qui moi? Une tête de con. Je t'écoute. Polo. Ah merci Marjorie. Adrien. Ouais merci hein. Grâce à vous j'apprends direct que j'étais cocu hein. Vraiment merci hein. Qui a dit ça? Toute la France au courant maintenant. On s'en fout. Jean-Claude. Allô mon Polo. Salut Jean-Claude. Ben alors t'as pris du service ma chérie. Bah oui Jean-Claude ma cochonne. Ah ben alors ça me fait plaisir. Oh attends Jean-Claude, Jean-Pierre Sauzère. Ah le sifflement est là, c'est l'authentique. Oui. Monsieur Sauzère, vous êtes à l'antenne, je vous écoute. Oui bonjour ouais. Bonjour ouais bonjour. Vous êtes dans Polo contre le reste du monde sur Fun Radio. Ouais. C'est Mickaël là non? Ah non non c'est Polo. Non, non, c'est ma Polo gueule, salut, hein. Mais je me fous pas de ta gueule, c'est Polo, tu me dis c'est Mickaël. Non mais. Non mais Jean-Pierre, c'est comme si tu t'appelais Jean-Claude. Ouais. T'es pas Jean-Claude. J'ai fait de ma gueule. Jean-Claude, t'es pas Jean-Pierre. Jean-Claude. Ouais, non, salut, hein. Jean-Claude. Jean-Pierre. Mais réponds, Jean-Claude. Bah oui, mon Polo, je suis t'es là, pas Jean-Pierre. Mais... Ah bah non. Jean-Pierre, t'es pas Jean... Ah, il a raccroché. Mais qu'est-ce qu'il est relou, ce Jean-Pierre Sauzère. Et toi, bah Jean-Claude, oui. Essaye d'être un peu plus réactif. Ah bah oui, mais je pensais pas que tu me parlais à moi. Parce que ça textote, ça textote, ça textote. Salope, va. Bon, Jean-Pierre Sauzère, rappelez, putain. Monsieur Lafitte. Oui, de toute façon, c'est très simple. Moi, je commence à en avoir marre. J'ai 20 ans chez Jean-Pierre Sauzère. Et ma fille est en psychiatrie. Je lui ai déjà dit. Ah bon? Voilà, c'est comme nous comme ça. Oh. J'ai dit qu'il ne fallait plus qu'il accroche à Fun Radio. Ça fait encore deux fois. Moi, j'ai 20 ans. J'en peux plus que tout ça. Calmez-vous, monsieur Lafitte. Calmez-vous. Oussama. Est-ce que t'as Facebook? Non, j'ai pas de Facebook. T'as quoi? Parce que j'en ai pas. Et Sauzère, en a? Non, il en a pas. Yann. Ouais bon comme t'as piqué ma meuf, ça dirait de faire un plan à mais 3 j'ai piqué, maintenant. Mais j'ai jamais piqué de meuf, moi j'ai pas besoin de ça, oh là là, qu'est-ce qui me saoule, celui-là. Marjorie de retour. Polo, je t'aime. Ouais, pourquoi tu m'aimes Marjorie? Oh c'est mignon. Je sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de si extraordinaire? Je sais pas. Bon, tu me trouves beau. Oui. C'est gentil Marjorie. Adrien. Ouais Yann, t'inquiète pas, ça fait la fois, elle se porte bien. Hein, bon allez, casse-toi Adrien. Jean-Claude. Bah oui, alors bon, moi je t'appelle parce que... J'ai appris que tu voulais voir comment ça faisait de se faire mettre des trucs ah, dans le cul. Pas du tout, Jean-Claude, tu dois te tromper. Tu sais très bien depuis le temps que tu me connais que je n'aime pas m'introduire des objets dans l'anus. Mais si, je t'ai entendu au début de l'émission. Non, Jean-Claude, tu te trompes. On va terminer, monsieur Lafitte, pour terminer ce Polo contre le reste du monde. Oui, Polo. Oui. Alors écoutez, n'hésitez pas à appeler le Jap, de toute façon, je vous couvre. C'est quoi cet accent? On dirait Jean-Marie. Je t'écoute, Lafitte. Oui, donc je disais, tu peux continuer à faire le jab, de toute façon, je vous couvre au niveau des droits de l'homme. D'accord. Et moi, je fais ma dédie à Mélodie, à DJ Wicca et à tout le secteur des droits de l'homme. Alors allez, cassez-vous, monsieur Lafitte. Oussama, pour terminer. Est-ce qu'il y a un enculé cette fois-ci? Ouais, il y en aura. Yann. Oui. Bon, tu conclus? Oui, je conclue, c'est bon, je suis heureux, c'est bon, je suis célibataire. Allez, dégage. Marjorie. Oui. Flatte-moi un peu. Quoi? Flatte-moi. Bah, je t'aime et bonne année à tout le monde. Merci Marjorie, allez dégage, arrête de nous saouler. Et pour terminer, Jean-Claude, la reine de la nuit. Bah oui, la cochonne des cochonnes, la salope. Parce que moi je t'avais acheté de la vaseline pour te montrer comment on fait. Et puis les va parler de d'accord, cul. Bah Jean-Claude, on va y aller nous. On va aller où? Ah bah on va terminer l'émission. Allez salut Jean-Claude. Ainsi se termine le Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio toujours, je rends l'antenne. Oui c'est mieux, il rend l'antenne. Oh, il rend l'antenne, c'est mieux comme ça, effectivement. Oui. Bon, le retour de Polo contre le reste du monde, évidemment, demain, normalement. Si vous voulez participer, n'hésitez pas, hein, comme vous avez pu le remarquer. Vous dites ce que vous voulez, le principal c'est de crew back à Polo, du moins d'essayer. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, on va se mettre le générique de fin. Ouais. On aura également le top tweetos. Maintenant, on va savoir qui est le numéro 5 et qui va repartir avec le sextoy offert par... PassageDésir.fr. Voilà, en stéréo maintenant, ouais, on est au top là. Allez, c'est parti, numéro 1. T'emballe pas. Bon, quoi qu'il y a, bon, oh, quoi. Bah, une seconde, faut que ça charge. Oh, là. Ah, il faut se gratter le nez, se gratter le cul. Là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Là, je suis en train de me gratter les couilles, une seconde. Bon, allez, numéro 1. Numéro 1, DJ Roms. Numéro 2, Fabienne. Numéro 3, le prince Nadia. Numéro 4, Cédric. Et enfin le numéro 5 est donc le gagnant, sauf si il ou elle a déjà gagné. À ce moment-là, on ira voir le 6ème. Il a déjà gagné, c'est Fredes. Ah bah Fredes, il a déjà gagné le sextoy. Donc on va voir le 6ème, 7ème. Bref, le premier qui n'a pas encore gagné dans le classement, qui repartira avec son sextoy offert par passagedudésir.fr. Évidemment, voilà, on remet le couvert demain avec le top tweetos, bien entendu. Et puis bah générique de fin. Alors il y a Oussama qui voulait faire le générique de fin. T'es là, Oussama? Ouais. Tu sais que c'est à cause de Toff qu'on a oublié hier le générique de fin. Évidemment. Polo. Non, ouais, c'est à cause de Toff. Toff. C'est Toff. Voilà. Eh oui. Exactement. Merci Oussama. Oui, je pense que tu l'as. Mickaël. Ouais, Oussama. Tu peux lui faire le message du Corse, je t'en supplie. Attends une seconde, faut que je le retrouve. Parce que j'en ai 200 des sons comme ça. Hein, donc attendez. C'est chiant, c'est bon, je l'ai. Ça a été coupé, mon grand. Eh bien viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi, tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Florian. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Voilà. T'as compris, Toff? J'ai bien compris. T'inquiète pas, il avait bien compris depuis, il est terrorisé. Ça fait longtemps qu'il a plus osé appeler en Corse là. Hein. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps, mais on va y retourner. Il a plus les couilles, Mais déjà, il les avait pas. Ah bah là, et là encore moins, je te confirme. Bon, allez, c'est parti, générique de fin maintenant, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, pas l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, pas l'enculé. Que ton oncle, comme toi. T'encules ton nom, t'es un enculé. Tu peux plus dormir ou bien manger toute la journée. Oh, avec où ça va, c'est... Allons faire un culé, gros pédé. Oh, espèce de connard. Sur ma vie, je te ta mère. Mais va niquer ta grand-mère, fils de pute. Je te mets de la cible dans ton cul, moi. Oh, espèce de connard. Ils sont canadiens. Là, je vais t'enculer, moi, t'as l'air bâtard. Bigard est canadien. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes tes vite te sucer, toi l'enculé. Sors ta enculé, toi ton oncle, c'est l'enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés. Eh ben voilà, merci Lilou, comme d'habitude au taquet. Merci Oussama. Ouais, derrière Mickaël. Et tu reviens quand tu veux, hein. Ok. Salut à toi Oussama. De quoi? Continuez comme ça les gars, vous êtes géniaux. Même Polo contre le reste du monde? Non, pas lui. Très bien Oussama, salut, merci et bonne nuit à toi, à bientôt. Allez, salut, bonne nuit à toi. Salut, ciao à toi. Merci d'avoir été là ce soir comme d'habitude. De plus en plus nombreux, quasiment 340 000 sur le Facebook ce soir. Et puis nombreux également avec tous les messages que vous avez envoyés sur le Twitter de l'émission. Avec Magda qui était là, avec Kelly également, avec Christophe, avec... Écho d'Afrique également, Jinka également qui était dessus, il y avait Laetitia 78, Serge, il y avait Jojo, il y avait Mathias, il y avait Léa également. Ah ben voilà, Léa qui nous a cassé les couilles de la soirée parce qu'on l'a pas cité parce qu'elle avait un nom de merde. Ouais. Ben maintenant elle a enfin changé son nom. Comme par hasard, Léa. T'as vu Léa? Et c'était pas fait exprès. Voilà. Ah bah oui, bon, Léa. Ben, tu vois, finalement c'est fait. Hein. Suis-je la seule que Mickaël m'a zappé, sympa. Mais non, t'as vu, l'émission n'est même pas terminée, Léa. Bon, Megumi également qui était là, il y avait Xina, il y avait Mathias, il y avait qui l'autre aussi, il y avait Fanta, Ayo. Ah oui, Fanta Ayo, c'est celle qui nous écoutait, la sénégalaise. Ah, Fanta, qui nous écoutait depuis bon. L'année 2000. C'est super bon en plus le Fanta. Depuis les années 2000, ouais. Et puis tous les autres, merci d'avoir été nombreux ce soir à écouter l'émission comme d'habitude. Merci beaucoup. On se retrouve évidemment demain à partir de 23h en pleine forme avec plein de cadeaux évidemment. 23h, 2h, passez le message autour de vous. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et c'est l'animateur le moins drôle de la bande FM qui vient de débarquer maintenant là. J'ai fait un jingle. C'est quoi? 2h, 6h, JB est une grosse salope. Mais là, sur Fun Radio. Bah c'est cool, non mais c'est puissant, c'est bon JB, on est bien là. Ça montre que t'es, tu vois, waouh, t'es ouverte. Je vais demander à Damien, qui est la voix de Fun Radio, hein, comme vous entendez dans tous les jingles, de le faire. 2h, 6h, JB la grosse salope sur Fun Radio. J'attends avec. Tu sais, avec un claqué de fessier. Mais avec ton claqué de fessier. Me touche pas, JB. Eh bien, tu l'auras. Eh bien, il passe le mardi. Bon, là, du coup, c'est aujourd'hui. Hein, c'est dommage. La semaine prochaine, tu auras ton 2h, 6h la nuit, JB la grosse salope sur Fun Radio. Ah, je pense qu'on peut le faire, je pense qu'on peut se marrer, effectivement. JB, bon, je vais mettre une droite. JB qui veut absolument coucher avec Polo, non, parce qu'il y a un moment. JB veut coucher avec tout le monde. Mais mec, ouais, mec, c'est une grosse salope, hein. Après, tu fais Sandro ce que tu veux. Moi, non, bon, après, alors, tu fais arrêtez. Ce que tu veux, moi je m'en fous. Hein. Bon, je vais parler tout seul, puis de toute façon, il s'en fout. Donc, après, il fait ce qu'il veut, évidemment, de son cul, mais il y a un moment, c'est quand même bizarre que depuis des semaines, le mec est quand même en train d'essayer. Il a essayé de choper Polo, il a essayé de choper Toff. Là, il faut passer. Venu me faire un massage, je lui dis écoute-moi bien, tu fais ça encore une fois, je te mets une patate, t'as compris? Donc il y a un moment, le mec il est pas clean, qu'il soit gay, je m'en fous. Non, et franchement, et ça me dérange absolument pas. Mais bon, il y a un moment. Il arrête de faire des avances à tout le monde. Il y a un moment qu'il fasse un truc et puis qu'il fasse un coming out. Il y a aucun problème. Et après, il se pavane sur Twitter que c'est pas un homme facile. Hein. Oui, mais c'est ça. Alors que c'est une grosse salope. Moi, ça me pose pas de problème que tu sois gay. Tu mens à tes auditeurs, c'est pas bien. Tu me déçois, Sandro. Enfin, c'est pas grave. Un jour, je balancerai les dossiers. Ah, mais JB, l'antenne est à toi. Allez-y, JB. Non, parce Vas-y, que je suis en couple avec Mickaël, alors je peux pas. Alors, tu sais quoi, même si j'étais gay, ce qui n'est pas le cas, je fais trop attention physique pour être avec toi. Polo, défends-moi. Je peux rien faire, JB. Allez, je ne rentre pas dans les trucs d'homosexuels. Non, allez. Mais non, parce qu'après, je vais être un. Après, il va glisser, ça va lui rentrer. Ouais, voilà, il va glisser, etc. Bon, et si on se quittait? Ah, David. Ok, j'allais mettre autre chose, mais vas-y. Bon, t'aimes pas David Guetta? Oui, je sais que t'aimes pas David Guetta, sais que t'aimes pas, pourtant c'est l'artiste fan radio, c'est pas bien. D'ailleurs, le sous-chef veut te voir demain à midi. J'ai demandé à David de guetter. David Guetta. En fait, on l'appelle JB, mauvaise vanne dans les couloirs. Et Toff a fait l'intro! Ouais! Super, Toff. Non, on va la refaire parce que sinon on va croire que je sais pas faire les intros. Je sais que ça arrive à beaucoup d'animateurs, mais quand même. Bon, allez, David, je vais la laisser à JB. Ah, merci Mickaël, mon amour, on te retrouve demain. Je te dis, je fais trop attention physique. Allez, à 6h, Bruno. Et puis là, c'est David Guetta, nouveau téléphone radio. Allez, tu l'as pas calé. Bah non, mais tu l'as bouffé de nouveau. Allez, vas-y, refais-la. Tu vas recommencer le sujet, je vais vous dire ce qu'il attend. Il attend en fait que je cale pas l'intro. C'est-à-dire que je laisse 2 secondes avant que la chanteuse chante pour caler un connard. Alors regardez. Ah putain, voici le nouveau David Guetta, il est mortel. Et c'est sur Fun Radio. Oh, espèce de connard. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks.